quelqu'un va peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Tout le monde en place ? Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Script ? Peck Avengers V2, s'annule première. Action ! Donc les Peck Avengers ce soir avec ce petit sketch. Attends, pour leur faire. Oui. Non mais le gars en vrai il a failli commencer avant l'action. Oui c'est pas faux. Oui. Ah bah va falloir faire une deuxième alors. Ouais bah faut qu'on fasse un deuxième clap. Eh alors bah. Ça sera prise une deuxième alors. Allez. Eh bah vas-y. Vas-y. Ça continue de tourner à direction. Ah c'est encore à moi. Ah putain. Ah il est mauvais hein. Quand on est mauvais on est mauvais. C'est pas grave. Il faut se remettre en place. Là, on fera pas de film aujourd'hui. Je crois que c'est mort. On arrête donc, tout. Les Peck Avengers, ce soir, on va parler d'action, donc de films d'action, de jeux, d'un peu de tout. Donc, Teddy, évidemment, tu nous as fait un quiz d'action. Oui, qui concerne action, même le mot action en soi. Qu'est-ce qui peut concerner l'action dans les jeux vidéo, dans les films, hein, comme tu l'as dit. Ouais. Et même le mot action en littérature, même en littérature anglaise. T'as même été chercher ça. Ouais. T'es trop tordu pour moi, je crois. C'est vrai. Je me demande si on n'est pas allé voir un peu la même chose, mais on s'adaptera. Peut-être. Oh le fail. Toi, peut-être, Thierry, peut-être. Tu nous as préparé quoi? Plein de choses. Déjà, je voudrais qu'on rentre dans l'action par un petit jeu dont je ne vous ai pas informé de quoi que ce soit avant parce que je vais vous faire démarrer dedans. Sinon, je me suis intéressé au sport d'action qu'on peut faire très très jeune parce qu'il y a des enfants qui aimeraient bien imiter les grands, mais à chaque fois on dit non, mais c'est trop dangereux. C'est Or, il y a des choses qu'on peut faire très très tôt. Oui. D'accord. Et puis, la semaine dernière, on a fait une émission sur les jeux. Et en fait, il y a un jeu que j'ai gardé à part, et en fait qu'il y a quasiment que des cases d'action, donc j'aimerais bien vous en parler aussi. D'accord. Et pour ceux qui ont raté l'émission jeu de la semaine dernière, ça se retrouve en podcast sur indestar.fr, sur Spotify, Deezer, un peu partout. Et... oui, d'ailleurs, tiens, on parle toujours des principales plateformes de Spotify, Deezer, Podcast Addict. Et je me suis quand même cette semaine amusé à faire des recherches, oula, à savoir les autres podcasts. J'en ai retenu deux où finalement Peck Avengers, je vais dire Indestar, est en bonne position dans les recherches. D'accord. Alors il y a Podcast France. Ils ont une rubrique divertissement, humour et pop culture. Et là, on retrouve Peck Avengers et Actu Solide. Ah. En quand même relativement bonne position, largement dans la première moitié des propositions. Mmh. Et il y en a une encore mieux placée, ça s'appelle Hub Hopper, je ne connaissais pas. Et d'accord, là, dans les 10 premiers, on a Peck Avengers. Parce qu'on est que 10 en fait. On est bon quand même. Hein. On est bon. On ça a peut-être été créé par un membre de l'émission ou de la. Alors, c'est vrai que je voulais faire dire quelques petits mots quand même. D'accord. C'est quand même une certaine. Mais tu as bien fait d'ouvrir ton clapet. Merci. Merci. De toute façon, Thierry, je l'ouvre tout le temps et je vais continuer une fois de plus. Ah, tu viens de le fermer. Ouais. Toi, Daniel, tu nous as préparé quoi? Alors moi, je vous ai trouvé. Alors, en ce moment, je suis beaucoup dans les films. Hein, oui. Voilà. Mais j'ai trouvé quelque chose où on oppose deux types d'action. D'accord. C'est un film policier, donc qui dit policier dit souvent de l'action. Oui. Mais en même temps, il y a une histoire de télé-réalité et ça oppose les deux styles d'action. C'est quand même assez extraordinaire. D'accord. D'accord. Ok. Oui. Oui. Oui. Et dans le cinéma, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a préparé quelque chose. Oui, moi j'ai préparé sur la série de films, sur les deux films Red, donc R.E.D. C'est quoi Red More? C'est mon pseudo. Non, c'est SFR. Tu verras ça tout à l'heure ce que c'est. Red by SFR. Non, c'est pas Red by SFR. Red More by SFR. Pourquoi pas? Avant c'était mon pseudo. Non, mais oui, c'est vrai qu'une fois que t'as pris le forfait, t'es peut-être mort, mais ça, bon, c'est. Off. D'ailleurs, tiens, Teddy, vu que tu parlais de ça, t'as une anecdote avec Action? Ouais, aujourd'hui, j'étais bien dans l'action, là, aujourd'hui. Ah. Il m'est arrivé un truc, enfin, c'est même pas vraiment à moi, mais bon, j'étais là, je soutenais, comme je pouvais. J'ai une petite vendeuse qui s'appelle Laura. Laura, si tu m'écoutes, je te dis bonjour. Nous aussi, parce qu'on va pas laisser te dire bonjour tout seul. C'est vrai. Ah. Quand même, éviter. Elle nous connaît pas, on la connaît pas, mais voilà. Laura, première. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a un petit vieux, genre cinquantaine, soixantaine, qui est venu apparemment lundi. Un petit vieux à la soixantaine, moi je viens de prendre un coup là. Oui. Et hop, ouais, le petit taquet grâce. Cette émission, on est vieux à partir de 6 ans. Hein. Il est venu deux fois lundi la voir, sans rien acheter. deux fois dans la même journée, venir dans un Intermarché, tu vois, sans rien acheter. Et à parler un peu bizarre. Parce un peu que tout est trop cher chez Intermarché, c'est ça. Je sais pas. Non, je c'est sais qu'il pas. Y avait plus rien. Non, je pense qu'il avait des visions un peu. Sur elle en fait. Bah, c'est, voilà, on sait pas. Et c'est sûr s'il venait la voir, il y avait des visions. Hein. Bah oui, clairement. C'est mieux. Ouais, donc elle est pas moche, mais bon. voilà quoi, on n'est pas tous obligés de venir l'emmerder. Elle fait des pains et elle peut t'en balancer. C'est, j'aimerais bien. Toujours, ça serait marrant. Moi, ce qui m'a toujours passionné quand même, parce que finalement, si c'est ta vendeuse, c'est la boulangère. Oui. Et ce qui m'a toujours passionné, moi, c'est l'histoire des miches de la boulangère. Ouais. Ça, c'est. Alors, je ne dirai pas la radio s'il aura des grosses miches. Non. Ça regarde que. Bah alors, ça va. Bah bon. Donc, oui, elle a eu cette visite impromptue. Voilà. Elle le connaissait pas, hein, mais bon, il est venu le. Mais maintenant, elle le connaît. L'accoster, bah, elle voulait pas trop le connaître. Bah, pas. Et il se trouve que ce monsieur est revenu aujourd'hui. Et il est passé dans devant l'accueil, enfin, comment dire. Devant le rayon boulangerie, hein, grosso modo, devant nous. Mais il s'est pas arrêté la voir. Et elle est venue me voir. Elle me dit ouais, celui-là, il est passé lundi, il est venu me parler. Il est bizarre ce type. Je dis ah ouais, parce qu'il achète rien. Puis il vient me voir, en fait, il me parle comme s'il me connaissait. Et... Bref, pas dragué, tu vois, mais. Entreprenant. Tu sentais que le gars. Ouais, voilà, ouais. Entreprenant. Voilà. Et on sentait qu'il y avait quelque chose et il disait des trucs bizarres. Introduce. Pas cohérent. Donc je dis bon, bah ouais, on va surveiller, on verra bien hein, s'il vient de parler ou pas. Et c'est vrai que quand j'étais à côté d'elle ou dans la boulangerie, un truc, enfin dans l'espace vente, il venait pas. Ok, bon bah voilà. On le surveillait du coin de l'œil et bon, bah il est reparti. On s'est dit, oh, voilà, tranquille. On va quand même avertir le vigile au cas où, parce que ce genre d'histoire, ça m'est déjà arrivé dans un autre magasin. Donc ça s'est terminé chez les flics. Avec des comme ça, pains, au moins. Ouais, c'est ça. Ça finit histoire de pain. Donc bon, bah, j'avertis le vigile, il me dit, ouais, vous nous appelez s'il revient. Ok, pas de problème. Parce que oui, lundi, il t'est passé deux fois dans la même journée quand même, hein, dans un Intermarché. C'est très peu courant, ce genre de. Ouais, moi, ça m'arrive quand j'ai oublié quelque chose. Quand t'oublies quelque chose, mais ça veut dire que tu achètes quelque chose déjà. Voilà, alors que là, il avait rien acheté. Je chippe la première fois. Et il vole la deuxième. Alors là, on a un nouveau système de sécurité high-tech. Ah bah là. Ça envoie du lourd. Mais du coup, ça a pas manqué, hein. Une demi-heure plus tard, il re-rentre dans le Inter. On se dit, putain, le gars, motivé, quoi. Ah ouais, là, c'est. On le voit, je le surveille, il regarde les viennoiseries en libre service, LS comme on dit dans le jargon. C'est nul. C'est nul, c'est mais bon voilà. Et en fait, il les regarde, mais il les regarde pas. En fait, il regarde ailleurs pour surveiller les alentours. Putain, le gars, il est motivé. Hein. Puis après, il va aux journaux, enfin au rayon, vous savez, pas paresse. Hein. Presse, ouais. Ah. Mais pas presse, c'était plus. Mais oui, c'était presse, plus imagé, c'est ça. On croit qu'il va prendre un journal. Eh ben non, il regarde l'accueil, il regarde les gens autour, qui est-ce qu'il peut y avoir et tout. Toujours rien. Ouais. Bon, pas grave, je lui dis, ouais, je dors ma boulangerie. Puis oui, il a pas manqué. Dès que je suis parti dans le fond de ma boulangerie, bah, il est venu la voir, il a dit bonjour et tout. Il a dit, attendez, je vais faire quelque chose. Elle est partie dans la boulangerie me chercher. Elle m'a dit, ouais, il est venu me parler et tout. Ok, bah, on va retourner de l'autre côté, on va faire style de rien. Voilà, je vais faire style que je travaille et toi aussi. Et bah, dès qu'on est rentré, oui, mais il était parti. Il était reparti, le gars. D'accord. Donc, bon, sacrée action, hein, jusqu'à ouais. Là. Waouh. Ouais. Donc, bon, on surveille. A fait de la vente et tout. Moi, je fais semblant de travailler dans l'espace vente. D'habitude. Mais, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais... Exact. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y avait personne. Donc, enfin, si, j'ai travaillé, mais j'ai. Voilà, un peu doucement, quoi. Ouais. Et bon, bah, le gars, on le voit. Et il commence à parler à un autre vieux plus loin. On se dit, oh, tiens, une connaissance. Bon, un gang. Pourquoi pas. Oh. L'autre vieux, il passe en caisse, le gars il le suit, il a rien, toujours rien, et tu sais, il passe en caisse avec l'autre. C'est putain, c'est chelou ça quand wow. Même. Tu fais pas ça quand tu connais pas les gens, parce qu'il connaissait pas l'autre, ça se voyait qu'il essayait de se débarrasser un petit peu. Même. Donc du coup, il est plus du côté magasin, il est dans le rayon, vous savez, il est cette espèce de mini galerie. Ouais. Je le vois, bon bah je vais rester là, on va l'observer. Puis là, il sort vers la sortie qui est le plus loin possible, qui est pas juste devant notre magasin, enfin notre rayon boulangerie. Je dis bon bah tant pis, on va aller voir le vigile, on va le prévenir. Je vais voir le vigile, je me balade dans le magasin, je cherche. Il faisait une patrouille. Hop, je cherche. Je dis ouais, il est revenu. Hein. Du coup, ah putain, fallait m'appeler. Voilà. Donc on se dirige vers la boulangerie. Et qu'est-ce que je vois devant le rayon boulangerie? Le gars, il était sorti le plus loin possible pour rentrer sur l'entrée à côté de la boulangerie. Oh, il en a profité qu'on l'était pas, enfin que j'étais pas là, grosso modo, pour parler à la vendeuse. Et ce problème, c'est qu'on arrivait pile au moment qu'il a commencé à parler. Et il a dit, je sais pas si je vais te prendre une baguette. Juste cette phrase-là, apparemment, qu'il y a à dire. Donc, moi, je suis rentré par derrière. Le vigile, il s'est posté derrière lui. Genre à un mètre, à peu près. Il l'a pas tilté tout de suite. Puis moi, je me suis mis à côté de la vendeuse. Puis je faisais de la vente avec. J'attendais qu'il dise quelque chose. Mais il disait plus rien, là. Il parlait pas. Tant que j'étais là, il parlait pas, en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je faisais peur. C'est qu'en fait, mesdames et messieurs, vous voyez pas, mais Teddy est très impressionnant. C'est un monstre. Ouais. Vraiment, c'est un monstre de brioche. Ma brioche impressionne. Ah bah, si, il faut en manger de la bouffe. Pour avoir de la brioche, oui. Ouais, clairement. Mais bon, le gars, il parle plus et tout. Puis bah, en fait, il regarde ailleurs. Et c'est là qu'il voit le vigile dans son dos. Du coup, il entame un bout de discussion à la con. Parce que oui, c'est vrai, un vigile dans son dos, c'est pas comment. C'est pas normal en théorie. Puis après, on le voit se barrer du magasin. Il ressort. Putain, là, c'est louche quand même. Trois fois, il rentre dans le magasin pour rien acheter. Il a tenté d'aborder la vendeuse et rien. Donc là, le vigile, il se dit bon, allez, ok, j'y vais. Il va dehors, il va... J'ai pas suivi jusque-là parce que... Il lui a parlé, il lui a dit « Ah, toi, tu reviens plus ici, tu peux faire tes courses, mais tu vas plus au rayon boulangerie, c'est mort. » Hop, bas les couilles. Donc le gars ne revient plus. Il a pris sa plaque et tout, et voilà. Sacrée action. Il se passe des trucs dans le intermarché. Ah ouais, on en rigole, mais bon. On après, en rigole là. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Ouais. Et je peux en revenir sur une histoire plus sérieuse qui m'était arrivée juste avant. La même chose, sauf que le gars, il n'y avait pas forcément les vigiles tout de suite. C'était dans Auchan, la petite arche. Je balance. Hein. À Tours, hein, voilà, en centre Val-de-Loire. Le gars, il venait 5-6 fois par jour comme ça, parler aux vendeuses. J'étais dans une galerie, dans une boulangerie de galerie. Ouais. Le gars, il lui parlait à une, principalement, trop. Et il disait des trucs pas cool, tu vois. Ouais. Et les vigiles, ils faisaient pas grand chose à ce moment-là. Et ouais, celui-là, on a appelé les flics, pour le coup. Et c'est les flics qui sont venus l'embarquer. Et c'était pas le premier magasin qui faisait comme ça. Il était déjà interdit dans un autre magasin. Parce qu'il faisait la même chose, en fait. Moralité, faut se méfier des fois des gens qui achètent rien dans les magasins. Ça, ouais, mais heureusement que ta vendeuse a osé en parler, dès le début, trouvant quelque chose louche et pas avant qu'il n'arrive quelque chose qui lui fasse terriblement peur. Travailler en équipe, essayer d'être soudé. Parce que s'il y a des problèmes de ce genre-là, surtout quand vous êtes exposé, entre guillemets, les vendeuses, elles sont très exposées aux insultes, aux mauvais caractères aussi. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils sont pas contents, ils vont se venger sur les vendeuses. Ils sont exposés à pas mal de choses au final, à la drague de merde. Oh putain, c'est horrible. Je suis à côté, je les vois. Putain. Mais bon. Ce que tu racontes là, moi ça m'en rappelle une. C'était par contre à une caisse. Et il y a un type qui était en train de se déchaîner après la caissière parce que ça y allait pas. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai été le voir, j'ai dit mais tu vas pas fermer ta gueule, non, tu commences à faire chier tout le monde. Et là, tu l'as coupé le micro. C'est lui qui a coupé son micro, il s'est mis en mute. Ouais, et là, de la façon dont je vous parle, je suis poli par rapport sur le coup. Et là, le type, il a plus rien dit du tout. Ah ouais. Il l'a fermé, il a payé, il s'est barré la queue. Ouais. Je veux pas dire à son là juste pour travailler. Enfin, ça oui. Je veux pas dire c'est un super job auquel un rêve de faire, tu vois. Ouais. Donc à son là, rendre service, soyez un minimum sympa, quoi. Essayez d'avoir le sourire. Ouais, la plupart sont là, sont gentils, donc soyez un peu aimables quand même. C'est pas compliqué. Et évitez la drague de merde, et évitez le stalker aussi. Hein. C'est sûr que c'était un boulot exposé comme tous les gens qui sont derrière un comptoir. Les commerces. Exposé à la colère des gens. Et puis les gens qui ont des choses à confier qui ne savent pas où les confier, il y a un espèce de comptoir, et ben ils déballent. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Toi, Thierry, tu as une anecdote ? Oui, alors décidément. Non, mais alors moi, je reviens toujours pas là. Cet après-midi, je me préparais à partir et puis donc j'ai une petite allée devant chez moi là qui descend et bon qui est assez isolée. Et je vois un couple qui s'apprête, à mon avis, à faire leur petite affaire en s'appuyant sur ma boîte aux lettres. En fait, ils s'en foutaient que du coup, c'est juste la boîte aux lettres, merde. C'est juste la boîte aux lettres. Mais non, mais je me dis, bon, je peux comprendre un couple qui est amoureux et machin, ils s'isolent, mais c'est pas isolé, c'est chez moi. Non, puis bon, j'ai pas les trucs, mais ils étaient prêts à passer à l'acte. Et bon, j'ai ouvert mon petit portillon, c'est bien, il y a des petites clochettes dessus. Bah, je te dis que ça. Ah, ils se sont redressés tout de suite et ils sont partis. Mais je me dis, deux minutes plus tard, et ils c'était étaient fini, en train de faire leur. Il y avait affaire. Un nouveau gosse, hein. En tout cas, j'aurais été gêné de sortir en pleine affaire, quoi. Bah, tu m'étonnes. Moi non plus, j'aime pas sortir en pleine affaire. C'est dégueulasse. Et puis après, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Après, j'ai descendu mon allée, puis je les ai vus au loin, mais je les ai vus regarder dans toutes les petites ruelles. Enfin, ils cherchaient une ruelle où faire cracra. Ah, j'ai cru que tu les avais descendus. Là. Non, ça, c'est mal descendu. D'accord. Et après, il a nettoyé sa boîte aux lettres au Karcher. C'est ça. Parce que comme non, mais ça, c'est mignon quelque part, oui. Se dire un couple amoureux. Mais enfin, j'étais quand même sacrément embêté en les voyant se rapprocher. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Je vais pas te mentir. Il y a quelques années, j'aurais pu être cette personne. Je l'ai pas fait dans ta rue, promis. Oui. Mais je comprends. Mais j'ai déjà fait. J'ai été amoureux aussi. Ah, et boîte aux lettres, et au début, on a tout le temps envie, on va dire ça. Ouais. Ça aurait pris plus confortable qu'une boîte aux lettres. Ouais. Dans les rues d'Amboise, est-ce que j'aurais pensé? Bon. Enfin, merde, en plein quartier touristique où on peut être pris à tout moment. C'est justement ça. Les rois ou les chevaliers qui passent. Mais on s'en fout, même si Google y passe pour faire. On m'appelait Lancelot à l'époque. Ils sont obligés de flouter maintenant. Toi, Daniel, j'aurais dû balancer un saut de flotte. Ouais, toi, ça aurait pu. Avec des glaçons. Ça aurait pu être drôle, ouais. Toi, Daniel, tu as une anecdote. Alors, je voulais en raconter une, et puis à vous écouter, j'ai un petit peu oublié. Alors, je vais essayer de me rappeler. Oh, y a. C'est l'action de Lancelot. C'était lui. Bah, ça va. J'avoue, c'était moi en fait. L'action par l'inaction. Je sais ouais, que maintenant je sais où habite Thierry, hein, grâce à cette histoire. Ouais, non, mais c'est... Tu connais sa boîte aux lettres, par cœur. Idéal pour poser des culs. Pourquoi pas. Alors, et toi, Kevin Oui. Alors, chose, le temps que je retrouve. T'es pas dans l'action. Non, c'est le temps que je réfléchisse en fait. Mais tu sais, avec les deux neurones qu'il y a, faut le temps que ça connecte. Est-ce que tu veux de la musique en attendant? Oh, c'est si gentiment proposé que ce serait mal poli de refuser. Ça se tente, moi je trouve. Mais avec Wax Don't Let Me Down, c'est des Beatles, il me semble, de base. Ah oui, il me semble. Dans ma tête, peut-être. Et bah, en tout cas, c'est sur Indestar. PK Avenger sur Indestar. Ah, mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Les PK Avengers, donc sur Indestar, jusqu'à 23h, voire même beaucoup plus tard, vu que c'est quand même habituel qu'on dépasse. Hein. Enfin, non, mais je crois qu'on n'a pas la même horloge que tout le monde, parce que nous, on regarde, à la fin, on est à 23h. Hein. On est peut-être des robots. Que soit l'heure, hein. On est des robots mal programmés. Ou alors, ouais. J'ai pas la même pendule, hein, c'est peut-être moi. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas que la pendule qui est pas pareil chez toi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a peut-être le pendule aussi qui va. Il pointe pas 6h, ça. Non. Non, mais le problème, c'est que je suis toujours dans l'action, c'est pour ça que je sais plus où j'en suis. Ah, oui. Il pointe à midi, toujours. Alors, mais avançant, on va peut-être un peu jouer, non? Allez, on va s'amuser. Allez, ensemble. On joue. Ah, c'est curieux. Alors, oui. Figurez-vous que j'ai fait comme Teddy, je suis allé sur internet, je tapais le mot action, et alors il est sorti plein de choses. Ah ouais? Et notamment des mots qui contiennent le mot action, et il y en a beaucoup. Actionné. Alors, actionnaire. Alors, je me suis dit, gardez-les en vous. D'accord. Parce que je me suis dit que chacun d'entre vous pourrait penser à un mot, essayer de nous le faire deviner. Ah ouais. Par exemple, sur une voiture, oui. On a la propulsion, par exemple, arrière. Oui. Et oui. Si c'est à l'avant, on appelle ça là. Traction. Traction. Action, traction. Ouais. Voilà. Ah ouais. Bon. Alors, trouvez-moi d'autres domaines. Alors, moi, si je dis... Il y a une formule qui est souvent donnée. Si je dis action, vous me dites... Réaction. Voilà. Ou vérité. Action, oui, action, vérité. Je pense à ça. C'est autre chose. Alors, c'est un autre domaine. Par rapport au couple, qu'auriez-vous fait? Je me coince le machin de la boîte aux lettres. Eux, ils ont vraiment fait action. Quoi. Ouais, eux, ouais. Deux, je lui fous la gueule la boîte aux lettres. Trois, si... ça passe comme une lettre à la poste. Si le fait de bouger un bouton. C'est actionner quelque chose. Mais tu actionnes, non? Actionner. Alors, on peut avoir toutes les conjugaisons d'actionner. Alors, actionner au passé simple, la dernière personne du pluriel, ça fait il ou elle? Hein? Actionnaire. Actionnaire. Oui. Et actionnaire, ça peut s'écrire d'une autre manière. Oui, quand tu es actionnaire d'une entreprise, oui, ça veut dire que tu possèdes des actions qui sont des parts, effectivement. Mais c'est pas des actions qui te permettent de bouger. En fait, tu fais bouger ton porte-monnaie, mais c'est ouais, tu fais bouger autre chose, c'est ce que j'allais dire. Le phénomène de comment dire d'être attiré par quelqu'un d'autre. Une attraction. Attraction, ouais. Oui. Ah oui, et ça marche avec la planète. Et d'ailleurs, l'attraction terrestre, ça s'appelle l'attraction terrestre qui nous maintient debout au sol, c'est là. Pesanteur. Là, il n'y a pas d'action. Non, là, non, il n'y a pas. Mais je cherchais un truc. Non, mais c'est au début. C'est parce que je vous regardais, c'est ça que je parlais, je pensais à la pesanteur. D'accord. Et quand on a. Je vais peut-être avoir du mal à vous le faire deviner. C'est un groupe de gens dans un autre groupe de gens. On appelle ça éventuellement une. Alors, s'ils interviennent les uns avec les autres, c'est une interaction ? C'est pas celle-là, non. Oh. Un groupe qui peut être dissident d'un autre. C'est une. Fraction. Presque. T'enlèves ton drôle d'air et tu l'as. Mon drôle d'air ? Ouais. Une faction. Voilà. Ah, on aurait pu penser, c'est un terme par rapport à l'armée, non? Une faction. Oui, ça fait, oui. Oui, j'étais en train de chercher. Une milice, voilà, chose c'est comme ça, ça. Oui. Les action man. Justement, c'est ça. Ah, waouh, ça, ça revient de loin. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'est dans l'action. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des... c'était des jouets action man. Je passe d'un état solide à un état liquide. Je passe en... Condensation. Non, c'est pas ça. Non. Attends, solide à l'état liquide. Liquide, liquide, faction. Voilà, liquéfaction. Et pour retrouver faction, en fait... Ouais. C'était plus facile comme ça. Ouais. Le faction était noyé dans l'eau qui était devenu liquide, là. Waouh. En plus, j'avais vu beaucoup des trucs là sur les... Enfin, je regarde des documentaires, mais bon, ça m'arrive. Sur les métaux, à quelle fusion... Enfin, à quel niveau de chaleur ils fondent ou pas, tout ça. Puis j'ai vu un documentaire après sur les Pokémon. rien à voir. Et il passe sur Pokémon, ouais, d'un mais coup. Il y a un Pokémon qui paye pas de mine et qui est un peu un symbole en France. C'est Monsieur Mime. Je sais pas si vous le voyez, et si vous le voyez pas, c'est pas grave. En fait, c'est un mime, mais par rapport au mime français, tu sais, on a... Je sais pas si vous voyez le gars avec son béret noir, sa marinière noire et blanc, de la peinture blanche sur la gueule et avec des taches noires sur les yeux. Bah c'est toi. Non, c'est le stéréotype du mime en France. Ouais. Tu sais, les mimes. Le mime Marceau. Le mime Marceau, voilà. Ouais, qui avait un visage très très blanc, hein, qui est complètement livide. Ouais, bah c'est Bip son personnage. Hein, c'est une référence en France, dans les autres pays. Le mime, pour eux, c'est. Tous les Français, ils ont des mimes partout. C'est pas vrai. Ils ont des tocs. Les Français. C'est vrai que souvent aux États-Unis on est représenté comme ça. Ouais, bah dans tous les autres pays. Et au Japon, vu que là c'est Pokémon, il y a un Pokémon qui s'appelle Monsieur Mime. Monsieur Mime, qui est disponible d'ailleurs dans Pokémon Go que en France. Avec quelle arnaque quand même. Ouais, ça nous représente, hein, clairement. Et ce Pokémon, il peut créer des murs invisibles. Avec ses mains. En solidifiant l'air. Et en fait, comment dire, le fait de faire solidifier l'air. L'air, ça solidifie à moins 216. Non, ça c'est le point de non. C'est quand tu pètes. Le zéro absolu. Merci. Il se liquifie. Ça jette un froid. À moins 192. C'est sûr. Non, il se liquifie pas. Il devient solide. À moins 200. Justement pour te retenir à. Et pour se reliquifier, ouais. Non. Mais avant, il est gazeux. Il se liquifie à moins 192. Et oui, c'est pas loin du zéro. C'est fou ce qu'un jeu tout simple peut devenir très chiant. Ouais, t'as vu. Non, mais c'est pour montrer qu'en gros, c'est super dangereux en fait. Un monsieur Mime, tu t'en rencontres un. Le gars, il crée pas un mur, il te détruit. Mais... il te fait exploser de l'intérieur sans le vouloir. Juste en. Mais de toute façon, même tous les Pokémon, si tu vas par là, sont hyper dangereux. Bien sûr. Mais c'était par rapport à l'action de solidifier l'air. Ça te tue. Bah oui. Parce que tu peux avoir de l'air solide à moins 216, je crois, un truc du genre. Ça fait mal. Ça te fait exploser les cellules dans ton corps et tout. Qu'est-ce qui fait mal au niveau des muscles, un mot avec action? Quand on a une trop forte. Fibre action. Tension. Non. Bah non. Non, une luxation. Non, c'est pas ça. Non, pensez non. Les femmes enceintes ont des. Ablation. Non. Contraction. Concentration. Quand un muscle se tend brusquement, on a des contractions. Et le contraire. Ici, on est en pleine décontraction. Voilà. Ouais, on est bon. Moi, on a fait de la conjugaison. Quand on nous pique des sous parce qu'on a mis plein de taxes conjuguées, hein, que nous... Taxion. Voilà. Bon, c'est pas écrit action, mais dans la sonorité. On y est. J'en ai pas d'autres. Les opérations mathématiques. Fraction. Soustraction. Soustraction. Oui, puis fraction aussi. Multiplication. Division. Multiplication. La division. Alors, quand t'as le spectre optique qui se divise, la lumière qui se divise, ça s'appelle. Division. Bah non. Presque. Fraction. Voilà. Oui. D'accord. Ouais, quand on passe par exemple la lumière dans un prisme. Voilà, et que ça se décompose en les couleurs comme un arc-en-ciel. Voilà, c'est ça. C'est beau les arcs. Tu décomposes la lumière, donc c'est la diffraction. D'accord. On fait de la science aussi. Non, ouais, ouais, ça arrive. Quand on fait du français, qu'on écrit des histoires, on fait des... Faute. Quand on fait de la presse écrite, on travaille rédaction. Pour la rédaction. Waouh. Wow. Bien vu ça, oh, du là. Quand on parlait de la lumière qui se renvoie. Réfraction. Réfraction. Ouais. Très bien. Oh, je suis trop bon. ça y est. J'ai boulette. Pas quoi avec mon portable. Rétractation. C'est ça. Rétractation. Non. Rétractation. Non, il y a ça pas existe, action. Ça. Ah ouais, non. Il y a les lettres, mais ouais. Dans le désordre. Quand on est un voleur et qu'on rentre chez des gens. Par effraction. Voilà. Ah oui, effraction, alors, infraction. Moi, je suis pas d'accord, je rentre par la porte ou la fenêtre. Une infraction, oui, au code de la route, par exemple, c'est violation d'une règle. Bon. Et une effraction, c'est quoi la différence? Une effraction, c'est que tu rentres. Sans avoir l'autorisation, donc tu casques les carreaux et tu. Bah, du coup, il y a les deux. Oui, il y a les deux. Ouais. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose, même si les deux vont dans la même mauvaise direction. Les deux sont des bêtises. Moi, on ne courage pas quand même. Hein. Non, alors, non. Et non, je regarde ma liste de mots, je lui dis, bah, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça. Non, puis alors après, t'as les conjugaisons. Alors, fractionner au subjonctif. Que nous fassions simple. Qu'ils fractionnassent. Ouais. Ouais. Ça part un peu loin là. Ah, les conjugaisons, c'est un peu. Ouais, c'est un peu cheap. Là, oui, il y en a gros, oui, en effet. Là, c'est. C'est pas intéressant, les conjugaisons. Non, mais là, oui. Ah, là, quand il y a de la décomposition, tout ce qui est composé de carbone se décompose, et donc sur un tas de compost, ça. Décompose. Non. Quand ça se décompose, une pomme, tu la mets sur un tas de compost, elle va pourrir. Alors, putréfaction. Voilà, cherchez le mot. Oh, là, tu nous épates parce que. Mais je le cherchais, mais j'arrivais pas à le trouver. J'ai créé de la stupéfaction. Là, on l'a tous eu. Là. Ouais. Non mais là il nous épate quand même parce que Non mais là, c'est presque bon des fois. J'ai triché. C'est pas possible. Ouais. Ouais. Non mais j'ai l'impression qu'il a un œil sur ta liste là. Hein. C'est pas possible. Off. Alors ça peut, mes yeux, si vous voulez, j'ai été à l'ophtalmo il y a deux jours. Ouais, je vois pas très bien. Hein. Et si je dis je me retire du jeu, je fais de la rétractation. Ouais, voilà. On l'a dit ça non? Possible. Ouais, vous écouterez le podcast. Ouais. Sur indestar.fr où il y a tout. Bon, bref, voilà, ça suffit. Hein. Bon, ça suffit. Ça suffit. Il est quel? Est-ce que d'aller bouffer ou... Nous passons à l'action à table. Bah, on peut passer à l'action avec de la musique aussi, quand même. Pour on manger. Peut écouter la musique et manger en même temps. Ouais. Avec le pied de la pompe. C'est dégueulasse. Horizon. Oui. Le pied quand on va manger. Oh. Bah, bon appétit à tous ceux qui mangent, évidemment. Un bon pied de bébé. Ouais, un pied de cochon. En tout cas, dire. C'est sur Indestar. Spec Avenger, c'est comme. Dans Donald Duck. Mais en différent. Bah, c'est sûr que nous, on comprend à côté de Donald. Ah bah, j'arrive pas à le faire. Alors, j'ai tout compris. Alors là, on avait bébé. Non, mais ce soir, forcément, action qui dit action peut dire cinéma d'action. Et pour ça, bon. On a plusieurs sujets par rapport à ça, notamment, hein, Thierry. Ah, tout à fait, je crois que Daniel va nous parler d'un film et toi aussi. Oui, moi je vais parler de R.E.D., donc Red, qui peut se dire. Mais Daniel va nous parler avant ça de quel film, Daniel ? Je vais vous dire, c'est Showtime, comme ils disent dans le film. D'accord. Ouais. Il y a Froid Time et Show Time Non, c'est Show, c'est H-A-U-D. Ah, c'est... The Show Must c'est Go C'est Show Time. Yes, Show. It's D'accord. Show Time. D'ailleurs, j'ai fait un petit enregistrement que j'ai isolé là. C'est marqué, c'est Show Time. T'as ça quelque part? Oh, mais j'ai toujours ça quelque part. Vous allez essayer de retrouver qui le dit, tiens. Attention. C'est Show Time. Ah, c'est vraiment chaud, hein, pour toi. Moi, je sais. Ouais. Je l'ai vu dans la bande-annonce, mais je sais pas qui. C'est Eddie Murphy, en fait, hein, ouais. qui dit ça. Mais alors... du coup, c'est son doubleur français qui le... Voilà. C'est sa doublure, oui, sa doublure. Très d'ailleurs. Célèbre, d'ailleurs. D'ailleurs, dans quelques temps, je fais juste une parenthèse, on parlera aussi de doublage. Hein. Je fais un peu un spoil. Mais dans quelques émissions, nous allons parler un peu de... Ah oui, on va beaucoup parler de son. Oui, je crois que c'est dans deux émissions. Pas le son qui nourrit l'âne, le son qui fait du bruit. Oui. Ah. Oui, donc revenons-en à Showtime. Ouais, quand même. Showtime, alors c'est un film encore américain, désolé, hein, de 2002. À la Running Girl. Qui est un film d'action. Ouais. Et qui oppose le travail du policier Ah, tel qu'on peut tabasser les gens, matra... voilà. Non, pardon. Non, là, c'est autant pour moi. C'est un inspecteur de police qui est incarné par Robert De Niro. Ouais. Et qui va être pris dans une émission de télé-réalité. Oula. Ouais, oh, le combo. Donc, il va se retrouver, Robert De Niro, avec Eddie Murphy. Oui, je suis en train de penser à ça par rapport aux flics, justement, qui ont une sale image, quand même, j'avoue, en France. Ouais. Ils ont censuré un épisode du dessin animé Miraculous. Ah, je sais ah pas ouais si vous voyez ce que c'est. Miraculous, c'est un dessin animé pour les jeunes enfants où t'as une héroïne qui se transforme avec une coccinelle, enfin, en, ouais, elle a une tenue en noir et rouge, hein. Ouais. Voilà, et à combat les méchants. Hein, les méchants qui se transforment en méchants avec des papillons. Des trucs vraiment très, très gentils, tu vois. Ouais, ouais. Et à un moment, il y a un méchant, en fait, il va se faire prendre un papillon de l'enfer, ça s'appelle. C'est un flic. Ils l'ont censuré parce que ça donne une mauvaise image des flics. C'est salaud, hein. Et pourtant, c'est un dessin animé français, s'il vous plaît. Ça se passe à Paris. Non, je fais juste une parenthèse. C'est vrai que, bon, quand on s'est arrêté, on les aime pas beaucoup. Mais ils sont sympas de temps en temps. Voilà. Hein, quand même, si on regarde dans d'autres pays comment ça se passe, les nôtres sont quand même sympas quand même. Ah! Ouais, ouais, parce que quand tu vois aux États-Unis, ouvrez votre vitre, ils veulent pas l'ouvrir, ils te pètent la vitre et ils te sortent. En même temps, t'as refusé. En t'envoyant le chien là qui te plante les gros dans le bras ou n'importe où. C'est mignon les chiens. On fait pas ça en France quand même. C'était c'est juste vrai une parenthèse. Hein. Ouais. Mais, oui, bah oui, quand même. En France, on n'a pas besoin de chien pour montrer les crocs. Ça, c'est sûr. C'est naturel chez le français, ça. Ouais. Donc, alors, on a Robert De Niro qui incarne l'inspecteur, le sergent détective d'ailleurs, mais enfin, inspecteur en français, Mitch Preston, qui est policier depuis plus de 20 ans. Alors, c'est vraiment le flic de terrain qui fait son travail. Voilà. Et qu'il ne faut pas déranger. Avec des calaches. Voilà, par exemple. Et il va croiser la route d'un certain Trey Sellers, interprété par Eddie Murphy. Ouais. Mais avant de vous en dire plus, on écoute l'extrait de la bande-annonce là, que je vous ai préparé. Bien sûr. Ouais, attention. J'ai trouvé le concept qui va enfin sortir ton réseau de la poubelle de l'Audimat. Je te présente Mitch Preston. Dégage avec ta caméra. Violer la loi dans ma ville, je serai là pour vous traquer et vous mettre derrière les barreaux. À Reality Show. Je porte le nom de Trey Sellers pour vous servir. Je suis ton partenaire. Jamais. Je suis ton partenaire. Tu dois le faire, Mitch. C'est un ordre. Vas-y, Annie, lève l'antenne. C'est showtime. Les portes s'ouvrent. Roulez-boulez. Et voilà, vous y êtes. Et... Mais le truc, c'est de ne pas trop détourner la tête de la caméra. C'est un vrai métier. Je suis pas un acteur. C'est débile, ce truc. Vous êtes les flics de la télévision. Je pense qu'on n'est pas des vrais flics. C'est showtime. Si t'as des conseils à me donner, vas-y, vieux, n'hésite pas. T'en as un, justement. Tire-toi vite fait avant que je te tire dessus. Ça, c'est de la grande télé. Faisons un peu de saut de capot. C'est quoi ça? On patrouille près de chez vous le vendredi. Tous les vendredis soirs à 20h, c'est pas on sorcier. On patrouille près de chez vous tous les vendredis soirs à 20h. C'est showtime. Alors nous, Peck Avenger, on patrouille près de chez vous tous les jeudis soirs à 21h. Hein, oui, par contre, on a une heure de retard, mais un jour d'avance par voilà, contre à côté de... Donc nous avons 23h d'avance. Hein, c'est ça. Voilà, alors c'est une production de Will Smith, sortie en 2002, avec Robert De Niro, Eddie Murphy. Alors, on va dire la journaliste qui représente le côté télé-réalité, c'est Renée Russo, donc une actrice américaine très très connue. On retrouve aussi William Shatner et on retrouve d'accord aussi la fille adoptive de Robert De Niro qui joue le rôle de l'assistante de Renée Russo, ah ouais, donc Chase Renzi. William Shatner, une série très connue dans l'espace là. C'était, il jouait avec Spock là, celui qui a les oreilles pointues. Oui, comment s'appelle cette série? J'ai vu encore pas longtemps avec Star Trek. Voilà. Avec justement. C'est le commandant Kirk, William Shatner. Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. Avec comme en ça plus, petite parenthèse avec Leonard. Leonard Nimoy. Ouais. Voilà, c'est lui qui fait le Spock. Qui a commencé entre autres dans Mission Impossible, la série télévisée des années 60. D'accord. Et ben voilà. A... voilà on les vieux recadrent les choses. Voilà, c'est ouais ça. Voilà. Alors, le film propose une version intrusive un peu de la télé-réalité en opposant réellement deux visions. Donc, la vision travail de purement flic, ouais, purement droite. Je suis dans mon... Et à chaque fois dans le film, régulièrement, oui, purement droite, purement. Voilà, c'est un flic, je fais mon boulot de flic. Il y a des procédures, je les suis. Voilà, avec le côté télé-réalité qui. Bah, besoin de. Ouais, cinéma ouais, quoi, c'est ouais, ça rien à voir. Ouais. Même plus que le cinéma. Parce genre, que... ouais, j'ai 1000 balles dans mon flingue. C'est ça. Alors, par exemple, pour être recruté, alors, donc je, déjà, ça tourne autour de Mitch Preston, qui est recruté. Je vous laisserai découvrir le film pour le regarder. Mais il faut un partenaire, parce que pour un tout seul, ça va pas. Ça marche moins bien. Ouais, donc, ils en partenaire particulier. Très particulier dans le cas présent. Ah bah là, oui, celui-là. Ils ont le vrai flic, mais ils n'ont pas l'acteur ou l'autre personne. Quoi. Parce que voilà, il faut quand même que je vous explique que Eddie Murphy, en plus d'être policier, il est dans le film, il est comédien. Il fait un travail de comédien. Donc il court également les. Il fait les. Ah, parce qu'il est vraiment flic ? Dans le film, oui. Dans le film, il est flic, ouais. Ah ! Alors sauf qu'il y en a un qui est en inspecteur, donc qui est en civil, qui fait des enquêtes. Et l'autre, il sort de l'école de. Non, l'autre, il est policier en uniforme, donc il fait la circulation, en gros. Et il met au point un coup avec un copain devant justement les journalistes. Pour dire, voilà, très, très imagé dans le sens cinéma. C'est, en plus, avec la verve d'Eddie Murphy. Et donc, il arrête le copain. Mais, alors, évidemment, les deux journalistes sont vraiment hyper contents d'avoir un type, en plus, qui est vraiment tourné vers le cinéma, qui fait le show, qui fait le spectacle. Qui fait, il n'y en a pas 36, des flics comédiens. Voilà. Et le seul problème, c'est que dans la scène, t'as par exemple Robert De Niro qui arrive entre temps et qui voit Eddie Murphy qui laisse l'autre à terre, lui tourner le dos. Et Robert De Niro, lui, sort les menottes, met les menottes au gars. Et le gars qui était un copain, il dit: Maître, tu m'avais dit que j'aurais pas les menottes. Forcément. T'avais dit qu'on faisait pour de faux. Ouais, c'est ça. Dire comme ça et t'as ça devant, c'est un peu raté là. Ouais, un peu beaucoup quand même. Hein. Alors, t'as beaucoup de chamailleries entre eux. Alors, justement, il y a William Shatner qui sert de consultant et on le voit d'ailleurs dans la télé quand il explique entre autres. Le truc, c'est de pas trop détourner la tête de la caméra. Alors oui. Là, on a vraiment le côté. Quand tu fais des casquettes, quand tu poursuis des gens, on fait pas trop. Regarde bien la caméra. Voilà, faut que tu regardes la caméra seulement. J'imagine trop la scène. Voilà, le coup de la scène de saut de capot, quand tu la vois, c'est. Les gens, on l'a refait. Ah ouais, c'est trop bon. Là, voilà, alors il y a aussi le confessionnal. Alors, le confessionnal, tu sais, comme il y a toujours dans les réalités. Quand il est tout seul à parler, assis sur une chaise, c'est ça. Voilà, alors, bizarre. T'as Eddie Murphy qui lui se. Il déballe. Il est expansif comme pas possible. Et. Puis t'as l'autre. L'autre, il se rase. J'ai l'impression d'être en interrogatoire. Ouais, c'est ça. C'est Showtime. Bon, ils font en plus pas mal de références aussi à d'autres films. Genre. Point Break, Die Hard. Il y a une phrase, je suis trop vieux pour ces conneries-là, qu'on entend plusieurs fois dans L'Arme Fatale. Oui. Ouais, il y a des références à deux flics amis. Tu connais pas, Teddy ? Ah, si, mais j'ai ma propre version qui vient pas de L'Arme Fatale. Avec Mel Gibson, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Mel Gibson. Ouais, même le slogan, merci. C'est Showtime. Cherchez justement. Ça vient de là. Ça vient de là, et on l'entend dans un jeu vidéo, Saint Row, The Third. Oui, Saints Row. Ouais, et on entend à un moment donné, c'est Showtime. Ouais, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais je pensais pas que ça venait d'un film pour le coup. Voilà, si, c'est là. Si. Si, tu peux. Si tu le. Ah, tu veux un petit. Ah oui, j'avais envie, c'est pour ça que je te fais tout à l'heure. C'est Showtime. C'est Showtime. Ça y est, j'en ai plein là depuis le temps que je te fais. Ça, c'est bon, quand t'es pas en chocolat sans prêt, ça te dit ça. C'est Showtime. Ah oui, tu vas pas en mettre ça dans la boulangerie pour dire à la vendeuse que. C'est Showtime. J'imagine tellement la je scène. Je crois que le pain. C'est Showtime. Un peu cramé. Hein. Ouais, là je crois quoi. J'étais en train de me dire que la musique préférée qui écoutait ces flics un peu déjantés, ça devait être l'Ashkalash ou l'Ascalas. La calasse, tu sais. Lâche calache. À tes souhaits. À tes souhaits. C'est un peu déjanté, ouais. Ouais, elle a de la voix aussi, lâche calache. Alors, ils ont recruté quand même, pour faire vrai, ils ont recruté un ancien flic à Miami. De Los Angeles, de la police de Los Angeles. Dans le scénario ou c'est en non, vrai Non, en vrai, pour pouvoir conseiller. Ouais. Les scènes de tournage pour montrer que ces choses sont tournées caméra à l'épaule. Alors, oui. On tourne des scènes caméra à l'épaule en suivant un caméraman qui suit le flic caméra à l'épaule. C'est fort. Ah ouais, là, c'est fort. Là, c'est du génie. Il y a des gags dedans. C'est vrai que c'est du génie, là, ce genre de choses. Hein. Ce qui est également extraordinaire, c'est. Alors, on oppose déjà deux choses, l'action réelle du flic sur le terrain, avec la télé-réalité. Ouais. Mais en tournant le film, ils ont opposé aussi deux choses. Les méthodes de travail de Robert De Niro avec celles de Eddie Murphy. C'est-à-dire que Robert De Niro, lui, avait besoin d'avoir le scénario plusieurs mois à l'avance pour se mettre vraiment dans le... Dans la peau du personnage. Dans la peau du personnage. Alors qu'Eddie Murphy, il n'a pas besoin du scénario. Ouais, c'est, il l'a 5 minutes avant, ça, limite. Il l'a quelques minutes avant. Et bah, il improvise un peu. Il est un peu vraiment dans le côté télé-réalité. Mm. Et ce qui fait que ça renforce en plus le sentiment de d'opposition ouais, c'est des, ça. Deux, des deux personnages. Des deux personnages, donc des deux styles, des deux visions que veut donner le film. D'accord. C'est... Il y en a eu un deuxième, Showtime ou c'était non, un... il y en a qu'un, oui. Il y en a d'accord. Qu'un. Alors, inutile de dire qu'on a un peu la fulgurance du flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy quand il jouait avec oui, Sam Follet. Forcément. On retrouve un petit peu quand même. Il y a toujours de l'humour avec Eddie Murphy, donc. C'est ça, ouais. J'ai jamais toujours, vu dans un film autre que humour d'ailleurs. Ouais. Donc, alors, au départ, quand même, ils n'avaient pas prévu. Un... Alors, je ne vous donne pas tout à fait quand même la personnalité de. Robert De Niro qui fait Mitch Preston. Mmh. Après, mais au départ... c'est un film qui est sorti il y a longtemps, je crois que c'est plus oui, du spoil. Hein. Oui, 2002. Mais pour ah ceux oui, qui ne l'ont pas vu. Ça plus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais. Et au départ, il voulait que ça soit hirsulique, teigneux, un petit peu incontrôlable. Mais le problème, c'est que exploser à tout bout de champ, alors que on avait Eddie Murphy qui arrêtait pas de faire le guignol, bah, non, c'était compliqué. Pas. Ouais. Ça faisait un peu compliqué. Donc... Pour faire le contraste, il fallait qu'il soit justement calme, stoïque, et l'autre tout excité. Ouais, c'est là, ça. C'est ça. Ouais, voilà, c'est logique. T'as tout compris. Ouais, j'ai fait du cinéma quand j'étais jeune. Voilà. Bah, ça le se voit gars, pas. Il balance. Ça se voit pas des fois. Alors, j'étais acteur, acteur pornographique. Hein. Allô. Je vais faire une petite parenthèse oui. aussi parce que je parle de télé-réalité et on les voit aussi avec le clap. Oui. Dans le cinéma, il y a des claps, ouais. Oui. Ouais. Je... Qu'est-ce qu'un clap pour un ceux clap, qui ça souffle, ça se ferme. Ouais. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un clap? Un clap et surtout à quoi ça sert? Le clap, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est muni d'un clapet. Entrez. Ouais. Mais à quoi ça sert? Quelle est l'histoire de ce clap? Déjà, pourquoi il est noir et blanc? Aucune voilà. idée. C'est juste que ça coûte pas cher. Peut-être, qu'à l'origine, peut-être. On avait du noir et blanc, donc... Oui. Celui-là est complètement mécanique, mais après, on a créé avec les affichages digitaux, évidemment. Ah ouais, oui, bah. Non, mais celui-là, ce qu'on fait toujours avec une craie... Hein, qu'est-ce qu'il faut avec le micro? Ouais, bah, il était tombé. Il est tombé. Et... Il gênait ou il était tombé. Daniel a fait tomber le micro. Ouais. Ouais. Alors, sur ce clap... Et Jolan a cassé un écran. Le cas où vous ne savez pas, d'ailleurs, il va me servir dans quelques jours, cet écran, pour montrer ce qu'est un pixel. Parce que là, vraiment. Ah, bah là, on les voit. C'est ouais. vrai que Jolan a fait un très beau travail. Il a pixelisé l'écran. De et dépixelisation. Ça... Ouais, ça c'est. De destruction, je mais dirais. Il n'a pas ouais. encore affiché le prix de son œuvre. Oui. oui. Sachant qu'une banane scotchée à un mur valait 100 000 dollars. Ah oui, moi, je suis scotché. Ouais, c'est le moment de le dire. Ouais. Combien vaut la télé détruite de Jolan? Là, ouais. vu la taille par rapport à la banane, je pense que l'œuvre est à 1 million de dollars. Hein. Et on devrait facile. Peut-être mettre une banane mais... sur l'écran. Daniel, on va revenir au clap quand même. Ah, on parlait du clap ? Oui. C'est pas encore la fin. Non. Parce qu'on n'a rien à foutre de la banane. Alors, ce clap, déjà, dessus est écrit visuellement les informations dont on a besoin. C'est-à-dire l'œuvre que l'on produit, la scène, la date, souvent. Des fois, on a besoin de l'heure par rapport... si on tourne une scène à tomber du jour et qu'on n'a pas fini le jour même, on d'accord. remet l'heure, le pour jour. Pour essayer d'avoir la même luminosité naturelle. On met le réalisateur. C'est ça. Donc, on met toutes les informations. D'accord. Utiles. Au moment où visuellement donc il y a ce clap, ce qu'on appelle le clapman dans le jargon, c'est celui qui distribue des claques. Lui donc répète, ça c'est quand il y a pas de clap, répète c'est à ça. Voix haute, il prend un genre et répète à voix haute les informations, fait le clap. Mais pourquoi on a mis un clap? On a parlé tout à l'heure. Alors déjà, c'est né avec l'apparition du son, parce que oui. avec les films muets, on n'avait pas le montage du son et de l'image à faire. Donc c'est apparu quand on a détaché le son, la prise de son par rapport à la prise de surtout l'image. Surtout qu'au départ, la prise de son était détachée de l'image. Ouais, ils n'avaient pas une caméra qui faisait tout. non, bon, ça a été fait très vite, mais c'était il y avait des problèmes de coups. Mais après, même les caméras, quand elles ont commencé à prendre le son aussi. le son, même encore actuellement, on le fait pas parce que ça fait pas une qualité super. Non, il y a un problème, c'est que souvent il est trop loin le son en effet. C'est pour ça qu'il y a un problème de qualité. Alors que là, généralement avec le son, en règle générale, il y a un gars qui s'appelle, comme le clapman, il s'appelle le perchman. Il est pas au perché, on est très inspiré. C'est ça. Il tient une perche et t'as un ingé son en règle générale pas loin à côté du perchman qui prend le son lui, enfin qui vérifie. Donc il va falloir tout raccorder, tout synchroniser. Après, t'as les monteurs effectivement qui, oui, eux, doivent s'amuser à avoir l'image, le son, fusion. Tu vois la bouche du gars parler et après tu entends la parole deux secondes après. C'est dégueulasse, tu regardes pas un film qui se passe comme ça. D'ailleurs, les perchemans ont besoin de faire de la gymnastique parce que quand tu les vois toute la journée, c'est un travail physique. C'est très physique. Ouais, quand la perche fait 3 mètres de long avec le micro, souvent ce sont des micros canons qui ont déjà un petit poids malgré que la perche il en a lu maintenant. Mais toute la journée, de 8h du mat des fois à 10h du soir. Il se relaye même pour certains. Alors, le bruit lui-même du clap sert à quoi? Bah, tout simplement à synchroniser le son avec l'image. Quand on voit le clap se produire et qu'on l'entend, ben on sait que la bande se... Voilà, et qu'elle est... Ça se voit très bien. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, un spectrographe, je ne sais trop quoi, mais on voit le moment... Oui, un espèce de truc comme ça, quand, sur une bande où on voit les sons, vous savez. On voit nettement le clap, ça se voit nettement. Quand vous travaillez le son, vous devez avoir l'habitude. Par exemple, moi, je le fais sur Adobe Audition. Vous voyez en fait des vagues, l'oscillation des variations, ouais. Ouais. Ah, mais t'avais le bon terme aussi, l'oscillogramme, ouais. Là-dessus effectivement le clap il se voit assez bien, et puis généralement il n'y a rien avant ou pas grand chose, donc parce qu'il y a un silence plateau avant. Donc voilà. Donc il y a deux choses, il y a pour la synchronisation son-image et pour la classification de toutes les séquences qu'on a prises, parce qu'il y en a tellement, il faut que le monteur puisse se retrouver. Ouais, vu qu'autrement je te dis pas la galère. C'est une 63e prise. C'est plus simple quand t'as l'image directe, tu zappes sur toutes tes vidéos. Pas faire comme moi, j'ai fait l'erreur de dire deux fois de suite la même prise. Ah, le raté. C'était la première fois que je le faisais, on m'a dit ça va, t'as fait qu'une connerie, c'est bon, ça va. Bon, c'est bon, on te pardonne alors. Il y a une scène, j'ai recommencé une 62e fois. C'est violent. Une scène comme ça. J'espère qu'il fallait pas bouffer une cuisse de poulet parce que là. C'était pas de la bouffe. Non. D'ailleurs, dans la plupart des trucs, si vous voulez savoir, la bouffe, il la mange pas vraiment. Très souvent. Secret. Sauf les grands acteurs qui boivent vraiment. C'est vrai qu'il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires de ça, il y a eu des histoires aussi de beaucoup de faux raccords par rapport au verre, justement, où qui font semblant de boire et du coup il y a toujours le verre plein. Ouais, il y a toujours la même dose. Ouais. Alors parfois, peut-être que l'acteur est plein, ça on ne le sait pas. En tout cas, il faut éviter. L'acteur à moitié plein ou moitié vide, ça dépend du verre. Ça, c'est vrai que la question se pose aussi. Ça dépend de ta boîte aux lettres. L'histoire de la boîte aux lettres. D'ailleurs, ça va dans action, acteur, il y a un petit truc aussi qui est en lien avec ça. L'acte. L'acteur, tu vois, il va jouer. Nos actes manqués. C'est le fait de. Par exemple. C'est quoi la musique, l'histoire de l'acte manqué sur la boîte aux lettres, en effet, tout à l'heure. Ah oui, l'acte manqué. Oui, c'était nos actes manqués, la musique. C'était aussi la chanson de Goldman, évidemment. Ouais. Ah bon? Ah oui. Frédéric Goldman Jones. Ah oui, putain, je connais la reprise. C'est nos actes manqués. Ah oui, c'est quoi la reprise? C'est M. Pokora qui l'a fait, c'est nul à chier. D'accord. Donc, je crois que c'est pas avec une chorégraphie. C'était vraiment manqué, c'est ça, l'acte était manqué. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Ah bah, il a suivi la chanson, c'est quand même bien ça. Alors, nous, de la musique, on en a, et ça, c'est de la vraie musique. Je pense que c'est un peu mieux. Ça, ouais. Tu vois. Oliver Nelson, c'est ça par exemple? Ouais, par exemple. Abby? Ouais. Habis. Lui, il l'a remixé, tu vois, mais pas à la M. Pokora. Non, c'est mieux. Oui, c'est pas du compliqué. Oh, c'est méchant pour M. Pokora. Ouais. Je l'aimais bien en plus. En tout cas, c'est sur Indestar. Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Teddy en histoire, moins. Je suis pas d'accord. Aïe, le taquet. Je suis pas d'accord. Ça sent le vent. Et sachez que le mot fan en anglais veut dire aussi ventilateur. Ah ouais. C'est la vanne qui envoie des vents. Oh merde, ça je savais pas. Eh ben, comme ça au moins on se couchera moins bête. Mais je m'y connais en histoire nordique. Ouf. On en parlera tout à l'heure dans le quiz. On verra bien qui est-ce qu'ils y connaissent. Ouais, je pense que ce sera mieux. Voilà. Mais bon, là on parle. Ok, merci. Je ferme ma gueule. Viens de tuer un moustique avec le clap. Alors, peut-être pas qu'un moustique, alors moustique peut-être. Moustique, une première. Alors, la dernière même. Ouais, si t'as retrouvé un autre moustique là. Ouais, Thierry nous fait tous les bruits de moustique maintenant. Il fait moustique, il fait bébé. Le moustique cochon. C'est vrai qu'on a pas fait... Ah oui, non. Oui, non. Oui, mais... je dis rien. Oui, bah oui, vu que je vais parler de RED, donc R-E-D. Ah, bah, Red Mort, oui. Oui. Rouge en anglais. Oui, il est Red Mort. Alors non, c'est pas rouge, vu que c'est R-E-D que ça se dit totalement. Et bah, moi, je dis c'est rouge en anglais. C'était mon pseudo, c'était, ça veut dire rouge. Bah, c'est vrai que c'est R-E-D. Mais en anglais, ça se dit pas R-E-D. R-E-D. Bon, d'accord. Are you ready? Ah, c'était pas loin, j'en avais 2 sur 3. Are you ready? C'est trop ce que j'avais envie de dire. Ça fait presque Are you ready? Ouais, c'est vrai que oui. Donc, c'est un film américain aussi de Robert Schwenke. What the fuck? Yes. Donc, sorti en 2010, qui dure 111 minutes. Ah, c'est moins vieux que l'autre. Oui, c'est plus récent. Donc, dans ce film, mais c'est vieux quand même. Il y a plusieurs acteurs connus comme Bruce Willis qui incarne Frank Moses, qu'on a classique. Vu dans les Die Hard, oui, par exemple, dans les Die Hard, dans les Die Hard, ouais. Et dans les non, Die Hard. J'avais l'autre série, si, mais il me j'ai plus il en me fait. Que tout à l'heure, on a mentionné un truc où il y avait oui. Bruce Willis. C'est pas Incassable qui est dedans aussi? Ou plutôt Morgan Freeman et trucs comme ça. Mais je on... sais plus. Ça peut. Il y a tellement de films. Il y en a tellement. Il fait oui. tellement de films d'action qu'on sait même ah plus. Quand, quand... Je voudrais suggérer une chose. Si vas-y. Quelqu'un peut nous aider, on nous appelle oui. 0970 407 306. 0970, pas 170. Qu'est-ce que tu as à dire 170 ah bah, parce, qu'il, parce qu'il fait 970. En ouais. fait. Ah oui, c'est 970. Donc 0970 ou 0970. Ouais. 09 70 407 306. Voilà, ce sera mieux. Sans la liaison, c'est quand même mieux. Oui, ça. Moi, ce bon, que j'allais non. dire, c'est que c'est quand j'avais ton âge, Kevin, en fait, c'est Bruce Willis, il faisait des tonnes de mais films. Oui. Mais on oui, le voyait mais tous les dimanches soir. Tu le voyais dans tous les films d'action, il est partout, c'est... Bruce Willis. Si c'était pas lui, c'était Schwarzenegger. Oui. Ah oui et aussi. Si c'est pas lui, c'est Stallone. Et si c'est pas Stallone, c'est. Comment il s'appelle l'autre Statham. Ah non, Statham. Maintenant, t'as Statham. Maintenant, Statham. Maintenant ouais, ah, c'est maintenant. Seagal, t'as. Steven Seagal, t'avais. Ouais. Ouais, Seagal. Donc. Il y a dans ce film aussi, il y a John Malkovich qui joue Marvin Boggs. Ah oui, et alors j'ai parlé des liaisons dangereuses l'autre jour, et c'est ouais. l'acteur principal ah, qui oui, jouait Valmont. Oui, c'est vrai que oui. Donc on en a parlé, mais il y a également Morgan Freeman qui joue dedans, ouais. qui joue ah, Joe Matheson. Morgan Freeman, le nombre de films. Ah ben lui, c'est... d'ailleurs tu en avais parlé déjà, Daniel, avec Intouchable. Oui. Non, pas Intouchable, mais... Insaisissable, voilà. Ouais, ouais. Donc il est dedans aussi. Il y a Mary-Louise Parker qui joue Sarah Rose et Hélène Mirren qui joue Victoria et Brian Cox qui joue Ivan Simanov qui est évidemment comme son nom l'indique un russe. Trop donc, violence. Donc tout à l'heure on en parlait vu que pour toi Red ça signifiait rouge sauf que ouais. dans ce film ça signifie autre chose. Retraité extrêmement dangereux. On peut traduire en français. Alors oui vu que c'est vrai que ça fait rire. Retreat is extremely dangerous. C'est ça. Dit comme ça, bon, ça te paraît con. Ouais. Oui. Ouais. Alors, c'est pas retreated parce que ça serait la retraite. Je l'ai inventé. Hein, la retraite dans l'armée, si tu veux, ouais. alors que c'est retired. Mais c'est trop marrant parce que dans retired, tu as tired qui veut dire fatigué. Donc, c'est un refatigué. Il est fatigué deux fois, tu vois. C'est ça. D'où le besoin de retraite, on a compris maintenant. Donc dans ce film, on va suivre Frank Moses, donc Bruce Willis, qui est un ancien agent de terrain de la CIA. Donc quand même, mec qui était habitué à toujours tout faire. Un peu d'action sport. Voilà, toujours. Bah, de toute façon, Bruce Willis, dès qu'il y est, il y a de l'action. Oui. Toujours. Et donc, il est à la retraite. D'accord. Il y a eu... C'était okay. pas prévu. Ouais, ah oui, ouais. Bruce Willis à la retraite, je sais. Ouais, c'est voilà. Dit, au pire, non. ça tombait bien, ouais. Bruce Willis à la retraite et il mène une existence plutôt tranquille à Cleveland, Ohio. Tu vois, il est bien. Il est dans sa petite maison. Il est bien. Voilà. Mais il y a un problème vu qu'en étant seul, bah forcément, il commence à être à seul. Se dire bah, ouais, seul, oui. je suis triste, quoi. Seul oh j'aimerais bien un peu d'action dans ma vie. Et je vais aller buter les chefs du voisin pour... Oh non, perdu. Et donc, il va se mettre à souvent discuter au téléphone avec Sarah. Donc, avec Sarah Rose. Donc, téléphone Rose. Non, bien vu, t'as wow, dit. Wow, wow, wow. Donc Mary-Louise Parker. Allô, Sarah O'Connor. Donc un agent de service à la clientèle qui travaille pour le bureau des pensions de Frank. Donc on va dire il déchire ses chèques pour pouvoir lui parler. Il parle à une fonctionnaire en déchirant ses chèques pour dire. Non, il déchire ses chèques avant. Oui. Il l'appelle en disant oui, voilà, je vous appelle parce que ce mois-ci j'ai toujours pas reçu mes chèques. Non, il dit j'ai pas reçu. D'accord. Mais putain, il a une drôle façon de faire de l'action. Ouais. C'est mais... une autre façon de draguer, tu vois. Tu vois, il commence comme ça. Mais forcément, il y a une nuit, un groupe d'hommes armés s'introduit chez lui. Mais pourquoi? Alors, c'est les fonctionnaires. Non, c'est pas des fonctionnaires. Donc Frank va tous les tuer. Il va tuer tous les assassins. Tout. Merci. Façon mais... puzzle. Donc, vu que forcément, ancien agent de terrain de la CIA, il devine que son téléphone était sur écoute, donc il va essayer d'aller retrouver Sarah qui est dans danger. Donc forcément, il va se dire, bon, je vais essayer d'aller la sauver quand même. Ah, ah, attends, oui. Attends, oui. J'ai pas compris pourquoi il y a un groupe d'assassins qui est venu le tuer. Mais tu justement, plus tard. Je l'explique après. Ah ouais. Parce que genre, il parle avec une meuf, il déchire ses chèques de retraite. Ouais, mais faut pas oublier que c'est un national. D'où de jamais déchirer tes chèques parce que voilà. Là, tu risques mais de te faire descendre. T'as le GIGN qui vient. T'oublies un truc, t'as dit. C'est que c'est un ancien agent de terrain de la CIA, donc il y a peut-être des choses qu'il sait qui. Il a pas rapport avec les chèques. Il a appris dans son métier à déchirer des chèques, tu vois. Des gens. Bah, tu comprendras plus tard. Donc, quand tu seras grand. Voilà, c'est ça. Il se rend donc à Kansas City où elle est pour essayer de la sauver. Donc. Elle rentre dans son appartement et découvre que Frank Moses est chez elle. Donc au début, elle comprend pas. Donc ouais. Tu vois, en même temps, normal. Oui. C'est le mec qui fait quelqu'un salut. Quelqu'un qui est chez toi alors que... Voilà. Puis surtout, bon, quand tu téléphonais seulement pour avoir les chèques et après que tu vois la personne chez toi, tu dois te dire... J'ai pas mes chèques. Ah ouais, bah je vais me porter ouais, chez toi. C'est ouais. Ça, il y a un ne truc. Ne faites pas ça chez Fox. Non, c'est ça. D'ailleurs, donc, ils sont pas chez eux, généralement. Il va tenter de lui expliquer dans quelle situation elle est, vu que bah... En écoutant les écoutes, ils se sont rendus compte que Franck était bah, bien affectueuse écoutez. Avec elle. Ah non, bien affectueuse. Ah oui, d'accord. Oui, ils étaient en bon terme, du coup, forcément, ils ont en gros, pensé qu'il y avait un lien. Voilà, c'est ouais. Ça, on va dire. Ils étaient ils pécho, quoi. C'est ça. Le saurez-vous. Bien sûr qu'il va pécho. Il se planquait, obligé et il se planquait dans les petites rues d'Amboise pour qu'on se... Il nous a parlé d'un gars et d'une fille. C'est ça. Classique des films d'action, le mec... Pécho la meuf à la fin du film d'action. Donc, classique masculiniste. Il va forcément, il va regarder partout. Et en regardant par la fenêtre, il va voir un groupe d'hommes armés se diriger vers l'appartement. Donc forcément, il... Oh là là. Vision classique. Voilà aussi. Donc forcément, il va quitter la ville en emportant Sarah, donc qui va être ligotée et bâillonnée à l'arrière de sa voiture. Ah. Et... Oui. Elle t'est pas coopérante. Non, pas vraiment. Ah. Et on va dire que bon, là, il y a une petite scène un peu marrante qui se produit. Bon, tu ne l'as pas, Teddy, je te rassure. Mais bon, il va lui dire, bon, c'est pas comme ça que j'imaginais notre premier rendez-vous. Donc forcément, la situation qui va dans le totalement... Dans arrière de la 407, ouais, je... Non, juste sur la page arrière. La Sim Camille, s'il te plaît. C'est ça. Je donc... te prendrai dans la Sim... Non, c'est donc... dans Indépendance, une spéciale chanson, non. Pardon. Donc il va y avoir un agent de la CIA actuelle qui va être engagé pour retrouver Moses et le tuer. C'est William Cooper, qui est interprété par Carl Urban. Également dans le film. Et donc, Frank va rendre visite à son mentor, donc Joe Matheson, vivant dans une maison de retraite. Donc, le mec est... Vraiment, c'est le gang des retraités, là, on fait. Bah ouais, du coup, oui. Et donc, il va y aller, il va lui remettre des empreintes qu'il a pu avoir d'une certaine manière. Et donc, Joe Matheson va pouvoir trouver les identités et leur dire à Frank, bon, voilà, c'est des personnes qui ont assassiné une journaliste du New York Times. Pourquoi une journaliste, tu vas me dire à la faut fin que un tu reportage. Lui dises pourquoi une journaliste. Pourquoi une journaliste. Bah tu le sauras plus tard. Ok. Va pas te faire foutre, Kevin. C'est ça. Donc, il comprend... Pourquoi la journaliste. Vas-y, c'est Daniel. Une première. Donc, il va comprendre que sa vie avec ça est réellement menacée. Ah, c'est oui. Con. Il avait une vie tellement passionnante à appeler les ouais, c'est ça. Donc... Sarah se rend, Sarah se rend donc compte de ce qu'il y a. Elle va dire, bon, ok, je reste avec toi, Franck. Ne me ligote plus. J'aime trop ça. Ne me ligote plus c'est comme ça. Un saucisson ou alors mange-moi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Franck et Sarah vont trouver des indices laissés par la journaliste qui est morte qui les mènent à une liste de noms. Donc, ils vont ensuite partir à la recherche de Marvin Boggs qui est joué par John Malkovich, également un ancien agent ayant travaillé avec Franck et théoricien du complot paranoïaque. Donc tu vois, le mec, vraiment, il... La 5G, c'est pour... Non, on va dire, c'est un personnage, la première fois que tu le vois, il sort d'une voiture. Il a une voiture. Alors ça, c'est classique. Ouais, mais on va dire, il y a une maison à côté, et ouais. T'as Sarah qui va lui dire, mais la maison, c'est pourquoi. Et il fait, ah, mais c'est un leurre. En fait, il vit, dans... il vit dans sa voiture, la voiture a un souterrain, il vit dedans. Enfin, la voiture, c'est l'entrée de chez lui. Voilà. D'accord. Tu vois un attends, peu c'est le... C'est une fake voiture. C'est ah. Ça. Donc... Ils vont essayer d'avoir plus d'informations grâce à lui vu qu'il a une banque de données. Ils vont avoir plus d'informations en leur disant que tous les noms sur la liste sont liés à une mission secrète au Guatemala en 1980. Avec elle, Frank et Marvin, évidemment, ont participé. Mmh. Mais tu as un petit extrait, Teddy, où justement, ce film m'a fait penser à Thierry à cause d'un truc. Et pas What qu'à Thierry. Oui, et pas qu'à Thierry, vu qu'évidemment. T'es retraité, Thierry ? Non. Bah non. Non, tu vas comprendre. Je vais chercher le petit cochon. Mais là, fort. Là aussi, il y a un bébert. Ouais, il y a un bébert aussi dans Red. Et donc. Il a dit je vais chercher le petit cochon. Oui. Ah. Je vais chercher le petit cochon. Attends, on recommence. Vas-y. Le petit cochon, une première. Je vais chercher le petit cochon. Donc, ils vont y aller et. Donc, ils vont aller voir qu'une personne de la liste, Gabrielle Singer, qui est interprétée par James Remar, est toujours vivante. Sachant que toutes les personnes de la liste devaient être tuées. Comme Renault. Oui, merci, Thierry. Ouais, oui. Donc, le trio va retrouver la piste de Singer. Et le rejoint dans un aéroport. Donc ils vont lui poser des questions, tout ça. Singer va dire évidemment, mais qu'est-ce qu'une journaliste du New York Times, qu'est-ce que je lui ai dit? Bah rien. Et il va mourir comme ça en gros. Il va rien avoir dit, au final. Donc, c'est cool. Oui, plutôt. Donc après, bon, il va essayer de rentrer dans le siège de la CIA, Frank Moses. Donc il va aller voir Ivan Simonov. Vous connaissez, donc interprété par Brian Cox. Donc Frank et Sarah vont infiltrer le siège grâce à lui en échange d'un petit service qu'on verra à la fin du film. Ah non, on précise pas le détail. Il y a un détail important avec Ivan. Non, non, non, on le précise pas. Non, non, vraiment, mais... c'est vraiment. Non, mais il était pas précisé hein, non plus. Hein. Oh, ouais, c'est toi qui veux préciser des trucs. Ta gueule, Daniel. On lui ferme son clap. Bah, je lui ai fermé sa tranche micro déjà. C'est ça. Comment donc, ça, t'as fermé la tranche micro? Donc, ils vont s'infiltrer au siège de la CIA pour voler le dossier de la mission Guatemala. Ouais. Évidemment, Frank se bat et est retrouvé blessé. Donc, après un combat avec Cooper où il va aller dans son bureau pour un peu aller le provoquer, tout ça. Sans problème. Voilà, on va dire, bon, le jeune qui se prend une tollée par le vieux, c'est ça. La base. Voilà, c'est ouais, comme ça que c'est mis. Retraité extrêmement dangereux. Hein. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, il retrouve Joe Matheson, qui est retrouvé donc vivant, vu qu'en théorie, dans le film, il y a eu une tentative d'assassinat sur lui. Sauf qu'évidemment, la tentative a raté aussi. Comme bah, pour il les est jeux. Vivant, oui. C'est oui. C'est sûr que oui, c'est mieux. Donc, ils vont le retrouver et ils vont aider à extraire Frank du siège de la CIA. Et il va dire, bon, bah d'accord, je viens avec vous. Et ils vont aller à ce qu'on appelle le nid d'aigle. Pour eux. Ah. Qui est donc chez. Oui. C'est en France, non? Bah non, non, Ben Nidek. Non. Si on prend historiquement, non, c'est en Allemagne, historiquement. Ah merde. Oui, mais donc, c'est bien une référence. Oui, il y a une connue, référence historique. C'est oui. Ça. Ouais. Et donc, ils vont tous aller se cacher chez Victoria. Donc, pour soigner Frank, elle va le soigner, tout ça. Et donc, elle va dire qu'au final, elle regrette un peu son ancienne vie d'agent également. Ah non. Non, c'est tous des agents. Ouais. Donc, ah, c'est les fonctionnaires, d'accord. C'est moins glamour, hein, clairement. Ouais. Bah, oui et non, parce que si on est aux États-Unis, à la CIA. La CIA, c'est pas une agence d'État. Non, c'est. Donc c'est agents privé. De la CIA ne sont pas fonctionnaires. D'accord. On en apprend des choses. Voilà. Fait, oui. C'est une agence privée en fait. Bah, tout le temps, FBI, on apprend toujours. C'est privé. La NSA, c'est privé aussi. C'est pour ça qu'ils écrivent privé sur leur dossier. C'est ça. Pas donc, privé de dessert. Ils vont examiner un peu le dossier. Ils vont comprendre que. L'autre seul homme cité sur la liste de la journaliste, mais qui n'est pas dans le dossier, donc ils vont mettre le dossier à côté de la liste et ils vont voir les noms, c'est Alexandre Dunning, qui est mis par Richard Dreyfuss, donc qui a trouvé... C'est le méchant. Alors, je ne dirai pas. Trop... ça veut dire oui, t'es dit, mais ferme ta gueule. Pas forcément, vu qu'il y a d'autres noms encore. Ouais, mais c'est trop tard. Ah, bah, si tu penses que c'est lui le méchant, il faudra regarder le film. Ouais. Donc... Il va trouver un moyen de se protéger, donc l'équipe va arriver à la maison de Dunning où son interrogatoire révèle que la mission c'était d'extraire l'actuel vice-président des États-Unis, donc Robert Stanton, qui est joué par Julianne McMahon. La mission du Guatemala, tu veux dire? Oui, la mission ouais, du Guatemala. Okay. Et Daniel, aucun lien avec Vince McMahon pour le catch. Je comprends. Oui, donc à l'époque, Robert Stanton était un jeune lieutenant qui. Au cours de la mission, a paniqué et massacré tous les habitants du village. J'ai paniqué, j'ai graissé le doigt appuyé sur la gâchette. C'est ça. Et le doigt est resté coincé. Et j'avais 1000 balles dans mon flingue. C'est ça. Et en poche aussi d'ailleurs. Ouais, c'est dans mon portefeuille. Et donc à ce moment-là, Cooper et le FBI entourent la maison de Dunning, vu que forcément il est sous surveillance. Donc il va tenter de négocier avec Frank la reddition, tout ça, en disant bon écoute, si tu viens, on te tire pas dessus, y a rien. Donc il va. va commencer par dire, raconter la trahison du vice-président, ce qui va forcément mettre des doutes à... Tu permets la trahison du vice-président, une première. Ouais, vas-y. Qui va hésiter, bah, qui va mettre à hésiter Cooper. Donc, ils vont mettre un... Ils vont avoir un choix à faire entre Joe, Frank et... Mince, comment il s'appelle ? Voilà, tu m'as fait. Qui sacrifie ? Et Marvin. Ouais. Voilà, qui va se sacrifier ? Et Joe, qui était condamné par un cancer, va dire, bon, bah, j'y vais, je prends ton apparence et... Puis bon, je me condamne, quoi. Tous les vieux se ressemblent. C'est ils ça. Ils sont extrêmement dangereux. Donc, un sniper va le tuer. Donc, quand il quitte le manoir. Mais... Avec l'apparence, avec l'ordre, tout ça, Cooper avait ordonné de pas tirer le feu. Donc, va y avoir une confusion qui va être créée grâce à ça. Et forcément, Frank Moses et on avait dit pas la Marvin, voilà, c'est ça, vont pouvoir s'enfuir. Donc, après, plus tard, l'équipe à laquelle Ivan s'est joint, qui, dont ils vont révéler eux-mêmes, lui et Victoria, que bah, avant, Ivan et Victoria étaient ensemble. Mais que par des politiques, tout ça, de leur pays, ils ont dû faire un choix. Donc, Victoria a dû faire un choix. Il y a deux histoires d'amour, alors. Alors oui, il y en a deux dans le film. Ah non, un couple, ça suffit. Hein. Donc, ils vont infiltrer un galin de Stanton à Chicago et le kidnapper. Malgré les efforts de Cooper pour le récupérer, bah, ça va être un échec. Donc Frank va dire qu'il est prêt à échanger Stanton contre Sarah, vu que Sarah s'est fait capturer. Donc forcément, on va dire, bon... Cooper est ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, Dunning va arriver et dire qu'il est le cerveau derrière tous les assassinats. Donc, Teddy, tu avais raison. Je sais. Toujours j'ai raison. J'ai vu le film. Non, c'est pas vrai. Donc, Stanton, c'était juste un pion qu'on prend et qu'on balance. C'était tout ce à quoi il servait. Sacrifié sur une partie d'échec. Ouais. Voilà. Ouais. Moralité, ne soyez pas le pion. Ouais. Mais tiens, j'ai pas envie de dire comment ça se termine quand même, le film. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais. Donc, ah ouais. Pour voir, ce sera mieux après, plus tard. Mais après la musique, donc je vais vous parler de Red 2. Donc justement, Kim Jae-won, Leave the Door Open, qui est de Bruno Mars de base. Ouais, c'est une reprise. Oui, qu'on a sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme... Dans American Pie. Une fois, au stage d'été, les batailles de polochon sont interdites. On en a quand même fait une et c'était trop fun. Mais en différent. Donc sur Indestar, donc... Ça, c'est de l'action. Ouais, ça, c'est de l'action. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. T'as déjà fait une bataille de polochon ? Non. Non, attends, t'as pas de vie. Je plaisante. Tu faisais des batailles de quoi avec tes frères, avec tes frères du coup, parce que t'as pas de sœur. Bah non. Oui, j'ai lu que la première page. Ouais, t'as lu que la première page. Non, je sais pas. Cailloux. Bah j'ai un copain, il a racheté mon livre, il avait que la deuxième page. Non, pas spécialement. En fait, on faisait plus les jeux vidéo en étant compte, donc. Jamais une bataille. Non, je crois pas. Bah, faut dire qu'il y en a un qui a 10 ans de plus, alors. Voilà, donc. Oui, il gagne, quoi. Mais... Mais bon, je gagnais aussi contre mes frères et sœurs. Alors pas forcément, vu que bon, c'était plus malin, tu peux gagner quand même. Faut savoir pour avoir fait avec Polochon que ça se passe pas comme dans les films où on explose tous les Polochons. Il y a plein, pas de plumes partout, déjà de base. C'est pas très confortable les oreilles avec des plumes. Ouais, hein. Y a plus de plumes. J'ai déjà essayé, c'est pas ouf. Hein. C'est pas terrible. Non, c'est pas fou. Non. Mais j'ai un souvenir de quelque chose de drôle à Amboise, l'association où je travaille, la MJC d'Amboise. En fait, quand on va dire qu'on a démoli pour reconstruire, pour refaire tout le bâtiment, on s'en foutait de ce qu'allait devenir. On nous a fait écrire sur les murs et compagnie. Et on nous a fait faire une grosse bataille de polochon. C'était trop mimi. Ça, c'est classe. D'accord. Non. Avec mes frères et soeurs, on faisait des batailles d'épées en bois. On tapait dessus un coup de bâton, quoi. Mais avec des épées qu'on construisait nous-mêmes. On les taillait c'est pas et tout. Drôle. Nous, on faisait des arcs et on se tirait dessus avec des flèches. Hein. Ça, c'est un peu plus dangereux. Ah bah. Mais, oui, ça, bon, c'est de l'action. Ça. On a failli en déborder un une fois, alors on a dit bon, on vise plus la tête. Mais ouais. Comme de toute façon, on visait pas parce que les flèches étaient tordues. Il y a forcément des flèches qui sont tordues. Et après, vous êtes passé à la soudure à l'arc. C'est ça. Donc, on va revenir à Red, justement, vu que. Après Red 1, il Red y a... dingue de toi. Il n'avait pas dit que ça se disait R.E.D. Si, R.E.D. mais Red, c'est plus... C'est plus simple, c'est on va plus dire. C'est plus vendeur dans une pub. R.E.D. 2, ça fait R2-D2. Donc ouais, ça fait copiage de Star Wars. Voilà, c'est quand ça. Même, c'est copyright. Pas fou. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, le 1 a eu un bon succès. Donc, ils ont fait un 2 qui est sorti en 2013. Donc, merci Thierry. Red, scène 2... T'as pas raconté la fin du 1 ? Mais justement, c'était fait exprès. Parce que ça commence le 2 ? Ah, mais le 2 n'a aucun rapport avec le 1. C'est une autre histoire. C'est quoi cette merde ? C'est pour Red 2, alors ? Bah en fait... C'est Red autre ? Disons qu'il y a un rapport, mais... Lointain. Lointain, dans une... Red option ? Pour reprendre dans Star Wars, dans une galaxie lointaine, il y a un rapport. Red multivers. Le Red Multiverse, ouais. Là, c'est Marvel plutôt. Mais là, c'est quand même un Red 2 quand même. Oui. Donc, on va reprendre les mêmes acteurs, hein, vu qu'évidemment, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Sauf Morgan Freeman, peut-être. Oui, qui est mort, ah, évidemment. Mince. Quoi ? Oui, Morgan Freeman meurt. Dans le film ? Ah oui ? Oui. Dans... Ah non, pas en vrai, oui, non. Pas en vrai. Putain, quoi, c'est quoi ce troll ? Ah, j'ai jamais vu mourir. Ah non, pas en vrai, non. Autrement, attends, ce serait triste. Donc. Il doit pas être tout jeune, hein. Ah ouais, tiens, je sais pas quel âge il a, mais. Franchement, avec tout ce qu'il a. 70 ans, je dirais. En plus. Vous savez quoi ? Continue, je vais chercher. Moi, je dirais 75. Moi, je dirais 85. Ah ouais, tu vises vieux. Donc, va y avoir un document qui va apparaître sur Wikileaks. Nous, on a Wikipédia, eux, ils ont Wikileaks. Ah. Donc, moi, on va dire, ça change un peu. Donc, ça va être à propos d'un projet clandestin. Clandestin, oui, donc Nightshade. Donc, ce projet daté de 1979. Donc un poil avant les événements du Guatemala par exemple. Ouais. Donc il consistait à amener pièce par pièce une bombe d'une mégatonne en Russie. Donc là ils vont devoir aller en Russie. Waouh. Donc waouh. Pas maintenant. C'est ça, pas maintenant, ouais, non. Donc via le des film a été tourné avant, ouais, pas. Donc via des valises diplomatiques pour être un peu tranquille. Donc le document va mentionner deux noms, donc Frank évidemment et Marvin qui sont toujours retraités, ça n'a pas changé. Donc Marvin va reprendre contact avec Frank vu qu'à la fin il se quitte, il n'y aura plus rien et ils vont dire, il va lui dire, bon écoute fais gaffe, va y avoir des problèmes, on va pas s'en sortir. Mais avant qu'il ait le temps, la voiture de Marvin va exploser l'entraînant dans la mort. Chez, il va rejoindre Morgan Freeman. C'est ça. Enfin, il est pas mort Morgan Freeman, oui. Il a 84 ans. C'est ça. Ah j'étais pas loin. Ouais. Donc, ah ouais, 85, 84, ouais, t'étais pas loin. T'en vas pas un point. Non, ça marchera pas, ouais. Enfoiré. Donc, Frank va aller à son enterrement, vu que c'était quand même son ami, donc il va lâcher une larme, tout ça, il va dire qu'il son est poteau. Triste. C'est ça. Très bonne imitation, Thierry. Ça, c'est Bébert qui était triste. À la sortie, il va se faire arrêter par des agents du FBI pour être interrogé, donc ils vont envoyer un employé pour intervenir avec une équipe de mercenaires dans le centre de détention pour éliminer Frank. Mais évidemment, l'opération va échouer vu qu'on peut pas tuer Frank Moses. Surtout au début du il film. Est mortel. Ouais, surtout au début. Donc, l'opération va échouer à cause d'une personne. À cause de Marvin, qui est revenu d'entre les morts. Marvin s'est dit, vu les problèmes qu'il y a et vu que je suis un peu paranoïaque, je vais me faire passer pour mort. Vu que quand t'es mort, t'as un avantage, bah, c'est que les autres te pensent mort. C'est un sacré avantage. Ouais, c'est quand même un sacré avantage. Tu ne payes plus d'impôts. C'est surtout ça l'avantage. Ça, ça peut aussi. Donc, à la suite de l'échec de la mission, donc, l'agent qui a été envoyé va engager un tueur en série. Donc, un des meilleurs tueurs à gages du monde pour justement aller chercher Frank. Vu que bon, ils se sont dit, bon, on n'a pas réussi, donc on va aller engager au-dessus. Ouais, j'étais en vacances. C'est ça. Bon, après, hein, ils peuvent partir en vacances hein, s'ils veulent. Non, c'était moi le meilleur tueur, mais je suis parti en vacances, du coup, ils ont pris un autre. Ah, ils ont pris le deuxième meilleur ? Ouais, c'est ça. C'était toi aussi, c'est ça ? Oui. Oui. Donc, ils ont pris un troisième qui était également toi ? Ouais. D'accord. Ça fait que je suis L de Death Note. Oui, vu que oui, pour expliquer un petit peu pourquoi, en fait, L dans le manga Death Note, les trois meilleurs détectives du monde, c'est la même personne. L, c'est une femme ? Non, non, L, c'est juste un. C'est juste la lettre L. L. C'est tout. Ah, moi, on je connais pas qu'on son nom. Non. L qui... Ah, bon. Non. Non. Donc, on va revenir à Red, vu que bon, c'est un peu égaré. Donc, Marvin et Frank vont enquêter sur l'origine du document et ils vont découvrir que c'est la grenouille qui va l'avoir envoyé. Donc, à votre avis, la grenouille, il réside où ? Dans un étang ? Bah, c'est ce que j'allais te dire. Non. Dans une voiture. T'as parlé d'une voiture tout à l'heure. Dans l'Ohio. Perdu. Perdu. Dans l'Ohio. Dans l'Ohio, ouais. Bien vu. En France ? Eh bah oui. Sur une à Paris, bah à France. Oui. Ah bah oui. Ils résident à Paris. Ils sont nuls dans leur pseudo. Ah ben. Donc la grenouille était un spécialiste des renseignements qui après les prend pour les revendre aux plus offrants. Vu qu'évidemment. Business is business. Voilà, c'est pas un monde de bisounours. Faut bien vivre, hein, comme on va dire. Donc ils se rendent en France, ils trouvent la grenouille, ils arrivent à lui extorquer les renseignements. Bon, avec quelques tortures, tout ça. La personne. Connaissant les plus amples détails sur le projet Nightshade est enfermé à Londres, donc en Angleterre. Donc après avoir fait un tour à Paris, faut aller à Londres. Donc déjà on... Petit tour d'Europe, c'est un pas des familles. Voilà, on va un peu faire un tour quand même. Donc à Londres, ils vont monter une opération pour libérer cette fameuse personne avec l'aide de Victoria. Donc Victoria qui est une ancienne amie, donc employée par le MI6. Donc, un bon service, c'est le service de renseignement des. Victoria, c'est la Victoria du premier. Oui, toujours. C'est pas Victoria Secret. Non. Donc, ni la reine Victoria. Non ouais. Plus. Donc, non, justement, le MI6, contre... qui est le service de renseignement extérieur des États-Unis, j'allais dire, du Royaume-Uni. Donc, forcément, elle va leur offrir leur aide. Ils vont réussir à libérer le docteur Edward Bailey, qui était justement la personne qu'ils connaissaient, qui était chargé de développer des armes pendant la guerre froide. Donc des armes qui pouvaient mettre un terme, voilà qui tue. Bah les armes, ça tue, c'est quand même mieux. C'est... Surtout si tu les utilises. Ouais, surtout si tu les utilises. Donc, Edward est le seul à connaître l'emplacement de la bombe en Russie, donc ils se disent, bon, après Paris et Londres, on va aller faire un tour en Russie. Sauf que, bah, donc ils y arrivent. C'est normal, ils sont retraités, ils voyagent. Voilà, ils arrivent, ils y rentrent et... Bon, ils vont aller dans la cache. D'ailleurs, t'es dit, le deuxième extrait est dans la cache de Red, justement, dans leur cache. T'es sûr que ces galettes sont mangeables ? En 1984. Les dates de péremption n'existaient pas. Oh, alors je sais pas quelle galette il parle, mais. Je si pense... c'est une galette franchipane. C'est pas fou, ouais. Ouais, non. Mais bon, après, vu qu'il la mange, c'est normal, vu que c'est Marvin qui est le taré du groupe, donc c'est normal. Ça doit être un biscuit de base, un biscuit pourri. Ouais. Bon, voilà. C'est vrai que ça reflète peut-être bien le personnage, Marvin, Ouais. C'est entre. Vu que c'est déjà lui qui gueulait, je vais chercher le petit cochon. Donc forcément, entre le petit cochon et puis ça. Ça donne une idée du personnage un petit peu. Donc ils vont aller en Russie, ils vont réussir à trouver l'arme, tout ça, mais ils vont se faire trahir par quelqu'un. Oh l'enfoiré. Donc il va repartir. Par en... Sarah du premier qui est. Non. Perdu. Non, elle est toujours là, Sarah. Hein. Vas-y, c'est retente ta chance. Attends, j'ai oublié les noms. Bah rappelle les noms. Le premier alors, méchant. Ouais. Bah non. Non, le premier méchant est plus là, on va dire. Donc F-O-R, mort. Frank Moses. Donc Frank, Marvin. Sarah ou Victoria ou Ivan. Ivan. Perdu. Il est russe. Cliché. Ça c'est fait. Donc ils vont réussir à s'échapper de Russie en échappant à la mort, encore une fois, vu qu'autrement c'est pas drôle. Ils vont retrouver celui qui l'a trahi. Ils vont récupérer. Tu as toujours pas dit. Hein. Oui. Non, mais c'est. Mais je ne dirai pas. Ah donc, regardez le film. Ils vont retrouver. Cœur. Et là, donc, ils vont retrouver le meilleur tueur à gages au monde. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote avec la course-poursuite qu'ils font, vu qu'on peut retrouver la musique de Linkin Park dedans. Ah, oh. Oui. Donc, la musique. Wow. Il est dedans, oui. Oh. Tout comme on a ACDC dans Iron Man, on a donc Linkin Park dans. Dans Red, donc justement. Avec... On a beaucoup de sons dans les Marvel en général. Oui, ouais. Marvel, oui, est très friand quand même de ça. Donc, ils vont retrouver, donc évidemment, ils vont sauver le monde encore une fois, et puis. Il suffit de regarder les Gardiens de la Galaxie. Excuse-moi, je pensais, mais Gardiens de la Galaxie, par exemple, les bandes-sons sont géniales. Oui. Les sons c'est vieux, que... hein, mais ça marche. Ils les remettent un peu au goût du jour et tout. C'est oui. Cool. Ouais, bah, vu que mine de rien, Marvel a fait ça quand même, remettre au goût du jour des groupes, bon, comme tu disais, assez anciens. Ouais. On pourra en reparler dans l'émission sur les sons, d'ailleurs. Oui. Ah, c'est vrai que oui. Les BO de films. Ouais, c'est vrai que oui, il y en a quelques-unes en plus qui peuvent être intéressantes. Oh, donc, bah, oui. Oui, c'était pour pas dire c'est quasiment... C'est un euphémisme. Voilà. Donc, ils vont retrouver la personne. Ils vont la tuer dans l'avion du meilleur tueur à gages qui va d'ailleurs faire une crise après en disant « Ouais, tu m'as explosé mon jet alors que j'étais presque en train de dire « Bon, je vais pas te tuer. » Ça fait comme bataille navale. « Tu m'as explosé mon porte-avions !» Ouais, c'est ça. Non, ça fait ça, en fait. J'ai cru qu'il allait dire « Tu m'as tué mon pilote. » Non, bah c'est non. C'est plus emmerdant, quand même. Oh. Bah après un jet à 40 je sais plus combien à 40 millions je crois c'est ouais mais sans le pilote quoi qu'il arrive baguette c'est nul quand tu voles. Ouais mais à ce prix là à mon avis tu peux peut-être te payer des cours pour piloter tout seul. C'est peut-être un tueur à gages de luxe. Oui. Comme ça il gagne beaucoup de sous. Bah c'est le meilleur au monde. Ah bah oui. Donc en théorie c'est un tueur à gages de luxe. Oui. Ah ouais. Puis bon c'est pas n'importe quelle cible qu'ils vont prendre. J'aime bien le terme tueur à gages de luxe. Il se paye des poules de luxe. C'est toi qui l'as dit le terme en premier. Non mais c'est pour ça je suis content de moi. Oui, sur ces petites cartes de visite, il y a des petits diamants incrustés. J'imagine la carte, tenez ma carte avec les diamants incrustés. La seule carte de visite qui raille le vert. Ah ouais, non, mais ça pourrait être tellement génial en vrai à faire. Par contre, vous mettez pas les doigts dessus, ça fait des traces. Ouais, c'est moins cool. Ah ouais, ouais. Mais donc voilà un peu Red 1 et Red 2. Donc il y a des morts, il y a l'action, il y a Bruce Willis, oui. Il y a Morgan Freeman dans le 1. Voilà. Y a John et ça bouge. Il y a John Malkovich, oui. Malgré que ça soit des retraités, ça bouge quand même. Ça bouge bien, ouais. Parce que les retraités en Amérique, comme tu l'as dit, ils sont dangerous. C'est ça. Ouais. Comme la musique, non, on peut dire. J'allais pas dire ça parce que la musique elle est pas si dangereuse que ça. C'est de la musique non. de filou, non. C'est ça. Voilà. Oui. Et bah. C'est pas filou. Non, il y a. Ça, c'est non, une non, musique. Non, ils sont en avance. Non, non. Sur le je suis en avance. C'est Tom Hartwig. Il était un peu aveugle. Ouais. Bon, un petit peu ou beaucoup. Ah oui, l'homme aveugle, oui. Bah oui. Tom Hartway, donc Blind Man. Que... Ça veut dire aveugle en anglais. Ah, ah ouais. Homme aveugle, je crois. Bah en tout cas, c'est sur Indestar. Le jeudi soir, 21h, passez au niveau supérieur. Peak Avenger, level 2. Ah, level 2, c'est même la nouvelle formule. Hein. La nouvelle, plus c'est nouvelle que ça, vu que bon, quand même, c'était oui, le début de l'année quand même. Depuis cette année, parce que l'année ouais. dernière, c'était Peak Avenger. Cette année, c'est Peak Avenger V2. Qui est mieux que la normale. On se calme tirer. Alors non, si, c'est vrai, c'est vrai. Moi je trouve que je suis d'accord avec moi pour une fois. Vaut mieux être d'accord avec soi bon, que. Peak Avenger V2. Première. Une première. Non, yes. 20ème du coup. Oui, 20ème. Tant que c'est pas dernière. Non. Bah, en tout cas, c'est pas prévu quand même. Non, bah, on en a d'autres. Il faudra terminer la saison pour en faire une autre. Non, non, c'est ça. Je vous ai bien expliqué là au début là, que j'avais trouvé des sites de podcast où on était dans les premières. Ouais. Ouais, on hein. était bien, ouais. Donc on est bien, hein. Donc. On est bien. Par contre, Thierry, qu'est-ce que tu fais là? Tu moi, déménages. Je suis en plein déballage. C'est le ah grand ouais, déballage. Il déballe, il déballe, il fait tout. Tout en promo, liasse de billets, qui en veut? Ouais. Non, moi c'est pour cela. Mais il nous balance vraiment des liasses de billets. Mais oui. Mais c'est du papier, c'est des billets de Monopoly. C'est la monnaie de singe. Oui, la monnaie de... Non, c'est pas le Monopoly, mais c'est un des grands jeux que certains connaissent et d'autres d'accord. pas, parce que le Monopoly, la Bonne Paye sont très connus. Et il y en a un troisième qui s'appelle ah ouais Le Destin en français, en route c'est sur les destin. Chemins de la vie. Et en fait, il existe en anglais, il s'appelle The Game of Life. D'accord. Et en fait, moi, ça fait ça quand même pas mal d'années que je connais le destin en français. Et par rapport à The Game of Life, ils l'ont refait et ils ont fait des alternatives. C'est-à-dire que vous suivez un parcours de vie dans lequel vous avez des choix à faire. D'accord. Mmh. Vous allez partir de votre enfance, adolescence, vous allez commencer à faire des études et devoir choisir si vous voulez faire des longues études pour essayer d'avoir un métier mieux payé ou si vous voulez commencer tôt dans la vie active. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Au cours de votre vie, vous allez... alors, le mariage, on vous l'impose quand même. Oh, les bâtards. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes obligés. C'est pas cool. Mais après, vous pouvez choisir entre d'avoir... Entre le SUV et le gosse. D'avoir des ouais, enfants. C'est ça. Et vous savez pas combien, ça dépendra des cases sur lesquelles vous tomberez et vous pouvez remplir comme la voiture. Comme ça, dans la vie aussi, tu sais pas toujours combien t'en as. Voilà. Hein. Ou d'avoir des animaux... voilà, puis vous pouvez choisir des parcours un petit peu plus risqués où genre une case sur deux vous pouvez gagner gros mais une case sur deux vous perdez très gros. Ou comédien. Ou vous choisissez une petite vie tranquille, voilà, vous avez plein de parcours. D'accord. Et alors pourquoi j'ai pensé à ce jeu déjà? Parce que je l'avais oublié la semaine dernière, je l'avais avec moi, j'avais oublié de le mentionner. Mais c'est très bien parce qu'entre temps je me dis, au fait quasiment toutes les cases sur lesquelles on tombe sont marquées action. Oui, et comme oui. c'est le thème de l'émission. Ça passe, ça marche. Et ben vous allez tomber sur des cases, sur des cartes actions, donc qui vont vous indiquer des actions que vous faites dans votre vie. Alors ça va rappeler peut-être un peu les autres jeux qu'on connaît. Vous savez, vous avez des choses à payer, puis vous achetez des ouais, vous achetez propriétés, cool. vous payez des impôts ou vous gagnez des concours. Enfin voilà, vous avez tout. Faut quand même être fou pour faire choses. Un jeu où tu payes des impôts quand même. Et ben écoute, ça arrive dans beaucoup de jeux d'argent ça malheureusement. Bah, c'est souvent les malus que t'as dans les jeux société ouais. avec de l'argent. Oui. Souvent quand tu pioches, je sais pas, une carte malus, je sais pas, hein, bah payer 200€ de taxes. Oh, fais chier. Mais... Alors d'habitude, tu les payes pas. Tu... Et après, t'en as qui essayent de faire les truands, remettre tranquillement la carte sans être vu. Ça, c'est le Monopoly tricherie. Ouais. Dis-moi, Thierry, j'ai une question. Là, tu parles de la vie, etc. Tu peux avoir des métiers, etc. Mais est-ce que tu peux finir retraité extrêmement dangereux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent le jeu capitaliste parce que en fait, on termine plutôt riche dans ce jeu, hein, quoi qu'il arrive. Donc tu es quand même retraité, mais riche, tu vois. Ouais, c'est ça. Riche dans ce cas. Ouais, c'est ça. RER, comme on dit en France. Mais ce qui m'intéresse, c'est que malgré quelques clichés un peu inévitables, parce que oui, le jeu. Ouais, le mariage mieux, obligé. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est proche de la réalité, et notamment sur la remise en question, c'est-à-dire que même en choisissant un métier, alors déjà vous allez avoir plusieurs choix, mais au cours du jeu, vous pouvez tomber sur des cases où vous pouvez changer de voix. Ah, oui. Vous pouvez décider que... Alors, ils ont j'en pas, ai marre ils de la boulangerie, ont, je vais faire ils la ont pas prévu les cases, les cases divorces et les fêtes qui vont avec. Mais par contre, ils ont prévu qu'on peut décider de repiocher des cartes. Alors, à chaque fois qu'on tombe sur une case pour un métier, on en pioche deux, en fait, et on choisit ce qui nous intéresse. Donc, par rapport au métier, par rapport à la paye, il y a plein de choses. On va choisir ce qui nous arrange, quoi. Ouais. Et donc, voilà, le fait de pouvoir reconsidérer ça au cours de sa vie, je trouvais ça intéressant. J'ai une petite question qui vient à l'esprit. Excuse-moi, t'as coupé. Non, mais vas-y. Si toi, t'avais un choix de métier, t'aurais choisi quoi? Alors moi, je fais le métier que j'ai choisi. De toute façon, je voulais... Et quel est ton métier, du coup? Ouais, je vais dire formateur au sens large, mais en fait, je fais plein d'activités où je m'occupe des autres. J'ai toujours voulu avoir un métier de terrain, en tout cas, pas un métier de bureau, d'être avec les gens et d'animer quelque chose. Bon, voilà, quand j'ai commencé l'anglais, je me suis dit, ça me plaît bien, je pense que je pourrais enseigner, mais... C'est l'intitulé que j'aimerais beaucoup entendre. Parce que là, tu nous as fait la description de ce que c'est. Et oui, c'est cool. J'ai dit que je suis considéré comme formateur. Mais en fait, je m'occupe aussi d'une personne handicapée que j'accompagne dans ses sorties. Je m'occupe d'une personne âgée à qui je fais des ateliers d'anglais. Enfin, et je vais chez les gens, je vais en entreprise, je remplace les autres profs. Enfin, je fais plein de choses, quoi. Toi, Daniel, t'avais un métier comme ça? Si t'aurais choisi, alors, t'aurais moi, fait quoi? De toute façon, j'ai toujours dit, et là, c'est ce qui est en train de se produire. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. Toujours. J'aurais voulu être un fumiste. Et là, je suis en train de le réaliser parce que, bah, comme vous le savez, donc, problème de santé, j'ai essayé d'autres choses. Et la danse. Je suis en train d'imaginer Daniel en danse. Ouais, alors là, y en a il va t'en foutre une danse. Il y en a qui ont vu le spectacle, ils sont pas prêts de l'en voir. Oh, je suis déçu de l'avoir raté. Ah, il t'en exclu. Hein. Ça soit ça. Bon, bah, la radio aussi, ça me plaît ce qu'on est en train de faire. Ça, bah, le tout le milieu artistique en soi. Le milieu artistique, bon, là, bah, vous le savez, donc j'ai participé. J'ai même fait acteur donc, dans le film. Un pareil. Peu drôle. J'ai deux apparitions finalement. Hein. C'est bon. Voilà, t'as vu deux fois la Vierge? Oui, c'est ça, j'ai vu deux, voilà. De dos et profil. J'ai tellement de Black Indian. Donc je fais aussi des prises de réalisation de cinéma. Là, je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Tu vis tes rêves. Ouais, avant j'étais 20-30 ans technicien électronique, SAV. C'est pas très rêveur. Si, c'était bien parce que avant c'était SAV, maintenant c'est SUV. C'est ça. Je me déplaçais souvent en clientèle, donc c'était bien où j'étais en contact clientèle. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Là, d'accord. Voilà, je vis moins bien, je l'avoue. Mais voilà, je le fais. C'est déjà cool. Ouais. Kevin, toi, si t'avais le choix, tu ferais quoi? Alors, moi, j'ai une grande passion, c'est les jeux vidéo. Ouais. Donc forcément. Vivre des jeux vidéo, ça serait cool. J'ai la chance d'être streamer, donc forcément, je suis plutôt content de ça quand même. Ouais. Même si, bon, il y a des problèmes actuellement avec la connexion. Mais bon. Streamer sans fibre, c'est dur. Marché, Google, bah, c'est compliqué, hein. C'est... Ouais. Il faut s'accrocher à un streamer, c'est ah, mais de toute façon, oui, c'est... t'arrives à rien sans t'accrocher, mais sans c'est... rien. C'est une bonne école de la vie en plus, quand même, hein, parce que c'est pas 7 heures par jour que tu fais, hein, et t'es obligé de constamment te remettre en question. Voilà, c'est vrai, c'est de faire gaffe à tout. Faut croire, faut s'entraîner, faut. Voilà. C'est jouer aux jeux vidéo, mais c'est. Voilà, faut s'entraîner. Mais c'est pas que ça. Ouais. C'est. C'est ce que j'avais dit à une personne comme ça, ce que je lui avais dit, bah écoute, si tu veux un jour, on échange. Je l'ai dit et on verra si c'est aussi simple que ce que tu penses. C'est un métier comme un autre. Oui, voilà. Mais souvent on entend des réflexions. Moi, je peux vous dire qu'au niveau prof aussi, j'en ai entendu. Bah oui, c'est ça. Pas mûr, hein, que c'est facile, etc. Bah, va donc sur le terrain. C'est ça, ouais. C'est facile de critiquer, mais aller sur le terrain et prendre la place, c'est moins simple. Critiquer, va prendre la place. Bizarrement, tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, se barre la queue entre les pattes. Hein. Ça me fait un peu penser. J'ai des clients comme ça, des fois. Je suis boulanger. J'ai pas spécialement de métier de rêve parce que j'ai toujours voulu faire n'importe t'as quoi. T'as toujours et tout. Voulu mettre la main à la pâte, c'est ça? Non, mais je sais pas, il y a plein de trucs moi que j'ai envie de faire. En fait, je me concentre même pas à un truc, je m'en fous, je lance des trucs, voilà. Au hasard, pile ou face, boulanger, bon bah ouais. Voilà. Mais j'ai beaucoup de clients qui me disent ah, je suis un ancien boulanger, tout ça. J'ai au moins 50% des gens qui viennent me parler, ils sont anciennement boulangers. Clairement. Ça veut dire peut-être que quand ils ont arrêté, ça leur a manqué, ils arrivent pas à oublier, donc faut qu'ils aillent voir les gens qui font. Ou c'est des bons gros mythos des familles, hein, surtout. Ça peut aussi, ouais. Ah ouais, non, parce que quand je dis vraiment la moitié, c'est que il y a des gens qui nous parlent. Déjà, ils croient que c'est intéressant. C'est méchant. Non, ouais, c'est méchant, mais bon, je suis en train de mettre. Quand tu fais ta création, oui, ça doit être intéressant. Quand tu fais ta création. Bah oui, moi je suis en train de mettre en rayon et tout ça, je mets mes spéciaux, je les réarrange. J'adore bien ranger dans mon rayon. Mais tu vois, je suis pas envie de spécialement parler aux gens. Après, s'ils ont besoin d'un renseignement ou si je vois des gens qui attendent trop longtemps, bien sûr, je vais vers eux et je leur dis, je peux vous aider. Ouais. Poli quand même, un minimum. Mais par contre, tu vois, si tu me parles de la pluie et du beau temps. Ok, mais bon, j'ai autre chose à foutre. Moi, j'étais pas dans le four. Ça veut dire que ça soulève une problématique de notre société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Et oui. aller acheter quelque chose dans un commerce. Parler à un artisan, ça les intéresse beaucoup, aussi, je trouve. Puis c'est aussi pour voir quelqu'un. Parce que les vendeuses. Ah bah, va te faire foutre. Alors, il y a certains qui aiment bien de pécho les vendeuses ou parler depuis beau temps parce qu'ils connaissent un petit peu, ils pensent qu'ils la connaissent bien et tout. Mmh. Alors qu'ils savent même pas son prénom. Enfin, son nom de famille, on va dire plutôt. Mais il y en a, ouais, ouais, ils aiment bien parler de pain, en fait, comme s'ils étaient des experts, souvent. Ouais. C'est assez méchant, ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Ils sont des experts, et pour affirmer... Enfin, je sais pas comment dire ça. Pour appuyer ce qu'ils disent... Ah, je suis anciennement boulanger, je sais ce que c'est. Putain, le gars, il me sort une connerie énorme. il achète, tu sais, le pain dégueulasse, celui que le glas, ou que c'est à 29 centimes, nous, c'est à 35 centimes. Il achète ça, et il me dit que t'es ancien boulanger. Ouais... J'avoue que ça perd toute crédibilité là. Bah ouais. C'est... Puis même, il y a c'est pas. C'est compliqué. Je n'ai jamais vu autant de boulangers de ma vie. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Le ratio est impossible. C'est pas possible. Mais bon. Dis-moi, t'es devenu boulanger sur un éclair de génie? C'est bon. Ou sur une chocolatine. Je l'ai écrasé. J'ai vu la pancarte chocolatine, j'ai écrasé la pancarte. Est-ce que après ça, t'étais chocolat? J'ai un peu joué à pile ou face. On va en revenir au jeu de la vie, Thierry. Ouais. Oui, bah après, je sais pas si vous voulez savoir des trucs en particulier. Moi, je voulais des exemples sur tes cartes. Bah, tu disais qu'il y avait des actions. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qu'est-ce comme action sur une carte? Tiens, je te passe une pile de cartes. Tu vas avoir ça un peu mélangé. Tu dois avoir les métiers, je crois, au début. Tiens, sachant que là, ouais, je suis sur le jeu en anglais. Hein. D'accord. Ah bah tiens, regarde, au dos tu as les voilà pets, donc les animaux en fait. Quand tu tombes sur une case animaux, et eh bien tu pioches une case et ça te dit genre par exemple de prendre un animal ou ça te dit d'aller chez le véto ou autre chose. Bah je traduis hein. Votre animal a trouvé un nouveau jouet à déchiqueter, j'imagine. Donc il est temps de remplacer vos chaussures. Alors c'est 20k, mais j'imagine que c'est pas 20 000 balles. Bah, 20 000, mais de la monnaie du jeu, donc on ne sait pas quelle unité ouais. c'est. Ouais. Mais en fait, tu dois te racheter des pompes. Ouais. C'est des chaussures en diamant avec les diamants c'est qu'on a dit tout à l'heure, ça. Hein. C'est ça. Donc je sais pas. Chew en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Mâcher. Ouais, chewing gum. J'ai dit déchiqueter, mais... C'est de la gomme à mâcher, chewing gum. Oui, c'est vrai que oui. Ah ouais. Parce que oui, je l'ai traduit, hein. Il y avait écrit You Fun, je ne sais plus quoi. Il y a de l'anglais dans tout, hein. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous mâchouillez. Ah, bah oui, c'est non, vrai, il y a beaucoup mais de. C'est vrai, mais regarde ton paquet de céréales, c'est bourré d'anglais, hein. Donc tu peux apprendre plein de choses avec tout. C'est vrai. Alors moi, j'ai un truc action. Donc... J'ai une carte action. Oui. T'as vu, ça tombe bien hein, quand même. Ouais. Donc tu as passé ton test de conduite, dis à tout le monde quel type de voiture tu as et paye à la banque 50 000. C'est sympa. Bon, pourquoi toi c'est 20 000, moi c'est 50 000. Alors c'est que tu as acheté ton permis de conduire, c'est ça? Bah ouais. Je crois, hein, ouais. C'est t'as, ça, t'as ouais. Payé il faudra que je revoie le jeu. Non, moi je vais me retrouver avec 100 000, moi, à payer. Bah si on suit la logique, oui. Mais en même temps, ça serait un jeu très moderne où on achète ses diplômes. Enfin, oui, ça existe. Oui. Je crois que alors, ça existe. Alors, j'ai pris action volontairement. D'accord. Oh yeah! Visiting the Eiffel Tower. Visiter la tour Eiffel. Putain, c'est cher. C'est combien? Oh nom de Dieu. C'est combien en cas? Si me dit moins de 50 000, je... T'as deux possibilités, 20 000 ou 40 000. Ah. Non, mais attends, c'est cher. Parce que tu dois tourner la roue, en fait. Et, attends. Et si tu fais de 1 à 5, c'est moins cher. Si tu fais de 5 à 10, c'est... Il y a une histoire de couleur, là. Et il dit que c'est cher, j'ai dû payer 50 000. Parce que ouais, 54. La tour Eiffel, toi, t'as une voiture pour 50 000. Ah, mais alors, c'est pas mon problème. On a une roue dans le jeu qui sert à plusieurs choses. Tu as des nombres de 1 à 10 pour les cases, par exemple, ou pour les concours, savoir qui fait le plus pour gagner le plus. Mais noir, au centre merde, de la roue, c'est une case sur deux est rouge ou noire. Bah, t'as le kit de luxe. D'accord. Ça détermine ce que tu dois. D'accord. D'accord. Je peux en tirer une. Oui, vas-y, vas-y. Ah, puis avoir fait le tour à l'envers. Ouais. Ouais. Tiens. Pourquoi pas. Allez. On aime bien jouer dans PK Avenger. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec le quiz. Oui. Ah, acheter un aquarium tropical. Putain, donne on fait... un nom. Alors déjà, faut payer 20 000. Bon, ça va. Donne un nom à ton poisson. Bubule. Name your fish. Ah non, c'est trop simple. Non. Bubule, c'est. Fisher Tiger. Bubule, ça fait penser au petit meurtre d'Agatha Christie. Ah, c'est vrai. Où le poisson de la secrétaire s'appelle Bubule. Désolé, je ne connais pas. Non. Fisher Tiger. Ah. Référence à One Piece. Arlong. Ouais. Ouais. Moi je vais l'appeler PK. PK Avenger. Non, PK. C'est bon, c'est PK. PK le poisson rouge. D'accord. Donc moi j'ai Your Pets héros, donc ton animal est un héros. How did they save the day? Alors ça veut dire comment tu vas sauvegarder la journée, non? C'est pas comme alors attends. Comment tu vas garder? Ah oui, comment ils vont commémorer. Ouais, voilà, garder, sauvegarder ouais. Un peu, c'était. Ouais, donc, comment tu vas fêter le jeu? Alors, moi parce je gagne que nous, 30... c'est écrit en anglais, ouais. Je vous rappelle, donc on essaie de traduire aussi. Alors, moi par contre, c'est cool. Vu que j'ai dû payer 50 000, mais là je prends 30 000. Ah, salaud. Enfin, c'est pareil que ma carte parce que. Alors, il faut savoir que les cartes, toutes les cartes que l'on pioche, on les garde et à la fin du jeu, on les revend pour la somme qui est indiquée en tout petit en bas. Donc en fait, on ne perd pas forcément d'argent. Bah, tu gagnes, hein, parce que. Ah là, ouais. C'est pour ça que je dis là, j'ai 100 000 riche, là, parce qu'à la fin, on gagne une quantité d'argent, on revend tout. Ouais, qui est farmineuse. Sa femme. Ah ouais, c'est beau. Non, mais je plaisante, mais en même temps, on a de l'argent pour tout à la fin. Il y a plein de calculs. Oui, bah oui, mais il faut aimer les maths, hein, parce qu'il y en a, ils aiment pas trop. Ça. J'ai pêché une dernière carte. Maintenant. Écrit un livre pour enfants. Et du coup, je gagne de l'argent. C'est rare. Ça veut dire qu'il cartonne, quoi. Oui, j'ai gagné 40 000 K, hein, quand même. Ok, il y en a qui l'a plus gagné. Ah ouais, hein. Attends, non, pas 40 000 K, 40 K ou ouais. 40 000, comme tu veux. Ouais, ouais, mais c'est 40 vrai, 000, ça fait beaucoup, quand même. Non, 40K. Parce que là, c'est pire que... Et j'ai payé 20 K tout à l'heure, donc je suis en marge. Enfin, j'ai une belle marge. Je sais pas si vous avez vu sur les cartes de métier, il y a des chiffres, en fait. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va avoir un chiffre différent. Et en fait, quand les autres lancent la roue pour savoir de combien ils vont avancer, ils vont forcément tomber sur un chiffre. Et si c'est le chiffre que vous avez, ils vous doivent de l'argent. D'accord. Ouais, par exemple, vas-y. Là j'ai. Ah bah, chanteur. Vous y croyez ça? Ça tombe bien ça. On est à la radio, on passe des musiques, effectivement, il y a des gens qui chantent. Combien tu vas être payé si tu chantes? 70K. 70K. Ouais, bah, alors, ça c'est si tu marches bien. Hein, parce ouais. que ça c'est si tu passes à la télé ou sur les radios. Ouais, si parce t'as c'est alors, sachant que la paye, en fait, on la touche quand on passe par-dessus une case où il y a marqué jour de paye. Mais si on s'arrête pile sur la case jour de paye, on touche 50 000 en plus de son salaire. Ah ouais. Si je me rappelle bien. C'est qu'il a fait une petite musique à succès. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est assez sympa là quand même. Ouais, clairement. Ok, bah c'est un petit jeu à découvrir, j'imagine. Il s'appelle comment? Donc, il s'appelle The Game of Life, le jeu de la vie, où moi, je l'ai connu sous forme de destin au pluriel, en route sur les chemins de la vie. D'accord. En parlant de vie, oui. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent? Est-ce que tu te considères riche? Ah, je suis riche d'expérience. J'ai fait énormément de choses, pas alors des métiers différents. Oui, j'en ai fait. J'ai travaillé pour beaucoup de gens d'entreprise. J'ai rencontré énormément de gens de tous les âges. D'ailleurs, je travaille avec des gens de tous les âges. Après, au niveau monétaire, le fait d'être plutôt vacataire, donc d'être remplaçant, de prendre des petites missions, t'es pas obligé de développer, paye, c'était pour lancer la musique. Ça paye pas lourd. si toi t'es pas le mec riche, toi t'es filou en fait. Oui. Parce que d'après Philou... All my friends are rich. Ouais, ça veut dire quoi? Tous mes amis sont riches. On est riche que de ses amis, je crois. Il paraît. C'est vrai, en tout cas. C'est sur Indestar. PK Avenger, c'est comme... Dans GTA. Ain't that right, big bitch? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Mais en différent. Ah, c'est sûr qu'on est mieux que GTA quand même, des fois. Oh. Encore 3 moustiques. Ouais, voire 4 ou 5 en même temps, si t'en as chopé un ou deux. Ouais, il y en a, il l'a chopé par la queue, j'ai vu. Alors Thierry nous fait les bruitages de toutes les missions maintenant, que ce soit le caution. les moustiques. Les enfants. Ah non, ça, les enfants qui rampent. Ça, c'est autre chose. Oh, c'est raté. Oh, j'ai pris un enfant pour un gaffard. En même temps, les morpions. Ça peut aussi. Parce que dans Morpion, il y a mort. Donc, y a pion, tu voulais qu'on continue à jouer, Thierry, donc. Bah, jouer. Entre guillemets, qu'on discute. Alors en fait, je me suis intéressé au sport d'action et en fait au sport d'action pour très jeunes enfants parce qu'il y a quand même une frustration chez des enfants ou chez des parents. C'est vrai qu'ils veulent de l'action. Hein. Ouais, plutôt. Bah, je même. Vois les grands faire du skate, je les vois faire toutes sortes de choses, du bike à fond avec des pirouettes et compagnie, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon. Et puis, et ben moi j'ai 3 ans et je ne peux pas faire. Je peux pas faire du sport en parachute. Tu peux faire des choses quand même qui vont peut-être t'initier, te faire découvrir. Voilà, et ça changera de simplement attendre, regarder le spectacle et chercher un autographe. Bon. Alors, sachant que de toute façon, le skate, on peut en commencer très tôt. Moi je me rappelle quand ça existe encore. Quand je suis arrivé. Oui, le skate, oui. Plus que jamais. Quand je suis arrivé chez Indestar, nous avions une émission Passion et nous avons interviewé des skaters qui sont sur Blois et qui nous ont dit, c'est très bien quand les parents viennent nous voir avec leurs jeunes enfants parce que on peut les mettre sur un skate, leur apprendre la confiance et leur apprendre à tomber déjà pour apprendre confiance, comme pas se de faire sport, mal. Au final, je crois me rappeler qu'il nous disait, mais à 6 ans, c'est tout à fait possible de commencer avec l'accord des parents. Ils vont pas faire forcément tout comme les autres, mais ils n'ont pas vraiment peur. Donc il faut les mettre en confiance. Bon, il faut leur donner un équipement le maximum qu'on peut. En fait, quand t'es jeune, puis t'es souple, puis tu suis les autres, quoi. Oui. Donc c'est bien aussi. C'est ça. De toute façon. C'est bien de découvrir beaucoup de choses quand on est jeune, quoi. Vous connaissez l'image du gars qui avance d'un côté et le skate de l'autre ? Oui, c'est toi. Les feux de la rampe. Ouais. Mais en fait, il existe le finger skate. Vous savez, mini-skates. Oui. Eh bien, on peut tout à fait s'amuser à ça, y compris pendant les cours. Enfin, non, pas pendant les cours. Parce que là, on se fait couler. Officiellement, oui. Mais oui. Mais ben voilà. Tu fais des figures avec tes doigts. Ouais, tu fais c'est ça. Alors moi, je me suis cassé un doigt avec un finger skate. Je suis tombé du skate. Je suis mal retombé. Parce que je n'avais pas appris à tomber. Je me suis cassé le doigt. Aïe, aïe, aïe. Non, mais sachant que c'est reconnu en plus. Donc on peut devenir un véritable très champion. C'est technique. Mais oui. Le finger skate. Et on peut faire une mini rampe en feu. Et peut-être pas 3 ans. Peut-être pas. Avec des caméras grand angle, enfin, on peut faire tu peux faire un peu de tout. Ça développe la technique des doigts et surtout la motricité et tout ça. Et puis tu peux imaginer plein de scénarios avec ça quand on peut faire des visuels super intéressants. T'as ça et les vélos aussi en miniature où tu peux faire aussi. On peut faire plein de choses comme ça. On peut piloter des avions en papier. Il y a des concours internationaux d'avions en papier, hein, de faire le plus technique possible, qui vole le plus longtemps, et c'est reconnu à l'international. Mais ça, je sais pas si les enfants de 3 ans ont tant de patience que ça pour faire un avion en papier. Eh ben, le nombre d'enfants qui m'ont demandé, tu sais faire un avion machin, déjà apprendre à faire un bel avion qui peut tenir le coup. C'est mon fils qui est bizarre. Non, puis je crois que le fait d'aller rencontrer des champions aussi, ça peut être intéressant. Ouais, et d'être initié petit à petit. Mais on peut commencer avec ça, ça n'est pas dangereux. Ouais, elle aime bien les bateaux. Non. Sauf si tu plies trop de papier, tu finis par te couper. mais bon. Et par détester Dora l'exploratrice. On peut piloter des voitures téléguidées. Oui. Ah bah ça par contre. Il y a des championnats aussi. Bien sûr. Qui sont financés par la marque Red Bull. Entre autres, c'est vrai que maintenant ils sont un peu partout. Ils sont partout dans le sport, mais c'est pas miniature. Bon, bah même dans le sans aller dans les sports extrêmes, ils sont un peu partout. Oh, oui. Et puis sinon des véhicules sans moteur, il y a des tricycles avec une roue moyenne à l'avant et des roues plus petites à l'arrière, mais qui font très sport. Et sur des circuits, ça cartonne très bien. J'adore l'image. Les roues à l'arrière seulement font sport. Pensez à l'avant. C'est des sports de vélo, mais en tricycle. Moi, pour avoir vu le truc, j'ai vu qu'à l'arrière, les roues étaient de petite taille, mais faisaient vraiment sport. fort pour pouvoir faire une certaine performance quand même. Mais à l'avant, oui, ça ressemblait un peu à une roue de vélo, mais pas énorme, quoi. Bon, mais après, je pense qu'il y a plein, de choses. Mais il y a des mini-cartes. Je veux dire, notre ville d'Amboise, elle a installé, au lieu d'installer cette année la patinoire, là, pour les vacances, c'était celle de février ou je sais plus, c'était celle d'hiver, peu importe. Ils ont installé une petite piste de cartes où on pouvait y aller si on était un très jeune enfant ou si même les adultes pouvaient y aller, quoi. Donc il y a voilà sur des petits circuits où on veille à bien mettre les équipements. Bon voilà, il existe des façons de s'initier petit à petit au sport et voilà, et de voir si c'est une passion qu'on a envie de faire grandir. Merde. Comme les enfants. C'est pas parce qu'on est petit qu'on doit rien faire, au contraire. Il y a un autre sport aussi que je voyais beaucoup faire par des enfants parce que bah du coup j'ai fait ce sport et il y avait des cours spéciaux. La bataille pour du radis. Ah non, je faisais pas ça. À la cantine. Non, je faisais de la capoeira par moment dans ma vie. Et il y avait un cours spécial pour les enfants qui s'appelait le cours baby capoeira. Et effectivement, c'est un sport vachement sympa parce que la capoeira c'est beaucoup, enfin, il y a beaucoup de chorégraphie dedans. Voilà. Et pour les enfants, ils voient même pas l'aspect combat. Donc, tu peux commencer vraiment très très jeune. On fait de l'éveil pour plein de choses, que ce soit de l'éveil rythmique ou autre chose dans les assos. Maintenant, on prend les enfants 3, 4, 5, 6 ans. Enfin, il y avait beaucoup de demandes. Les gens disaient, mais avant 6 ans, on fait quoi avec les enfants? On attend qu'ils soient grands. Il y a beaucoup de sports, c'est des prétextes de pour faire bouger les enfants au final. Et c'est très bien comme ça. Donc, Faut juste faire attention le fait que tout n'est pas formé de pas se blesser. Bon, on leur fait pas des triples sauts arrière non plus, mais on peut découvrir. Oui, tu vois les grands, ça t'attire, etc. Tu vas pas faire comme eux, mais tu peux commencer à découvrir et voir si ça te plaît. Ils ont des mini jambes, ils ont des mini bras, ils ont toutes mini. c'est très mignon à voir, c'est très mignon. Ah ouais. Des petits mouvements de hip-hop pas trop dangereux, ça peut se découvrir. Mon fils, il fait aussi. Ça. Quand il danse, je sais pas pourquoi, il se met à quatre pattes par terre. ou alors sur le cul et il tourne. Bah oui, serpillière comme. Oui, mais il fait ça quand il regarde les Power Rangers, par exemple. Ouais. Ça a pas de sens. D'accord. Mais bon, profites-en pour lui accrocher une serpillière au cul, puis ça nettoie la J'avoue que ça pourrait être un moyen. Non, je vais en profiter pour vous dire que de toute façon, le quiz il va pas être aussi sympa que ça. Il va pas être tout gentil, il va être plutôt sadique. Hein. Il va être dans l'action. T'as besoin d'une musique avant pour nous faire un peu. J'ai peut-être besoin d'une musique avant. Ça dépend si t'as vu la lancer. On a Pneu Cold Earth. Pneu ou pneu? Ah non, c'est pneu. Je dirais pneu, moi, vu comment c'est. Bah oui, c'est pneu. C'est pneu. Cold Earth. C'est. Les cœurs froids. Les. PK. PK. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar de 21h à 23h. Pika. Oh. Il n'a toujours pas compris. Non. Il comprendra jamais. Je l'adore ce jingle. Le Pika ne comprendra pas, non. Bah en même temps. Attends, je voulais fermer son clap. Vas-y, fais ton son clap. En plus, fais-lui fermer. Donc, à la fin de chaque émission, évidemment, il y a un petit quiz. Teddy, comme toujours, s'en est chargé, donc un quiz assez dur de ce que tu nous sadique, disais, il sadique, paraît. Sadique, c'est le mot. Ouais, de toute façon, il n'y a pas que bonhomme maintenant de sadique, il y a aussi le quiz. Oui. Il y en a marre, je proteste. Quiz, évidemment, sur le thème de l'émission qui est action, avec 5 questions, pas 3 propositions de réponse. Des fois, des 2 propositions, il n'y a que 2 des fois. Ah, et d'accord. Des fois, pas du tout. Aussi, c'est qu'il n'y a pas de réponse quand il n'y a pas de proposition. C'est les questions sans réponse. Oui. Voilà. On change de temps en temps. D'accord. Tu veux changer un peu, tu veux. Ouais, j'innove. D'accord. D'ailleurs, la première question va très bien résumer ce changement. Ginette et j'innove. Merci, Thierry. Bonne vanne. La première question, par exemple, il n'y a pas de proposition parce que c'est vous qui allez me lancer quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de question. Vous lancez rien, sinon je vous casse la gueule. Moins 10 points direct. Bon, bah alors on va peut-être. J'ai rien à lancer, moi. J'aimerais que vous me citiez. Un film d'action, un titre de film d'action, sorti en 2022. Ah non, c'est pas mauvais compte à rebours. Alors, après tous les confinements, j'ai oublié que le ciné existe. Il est sorti un film en 2022. Oui. Ah bah, pas qu'un. Oui. Non, il y a eu plusieurs, même qui sont sortis là dans la semaine. Oui. Le bâtard, oui. Kevin, il en a un. Daniel, il est perplexe. C'est évident. Mais j'en sais rien, moi. C'est vrai. D'accord. Question si j'en mets d'autres. J'ai autre chose à foutre que de suivre le non, mais c'est vrai que j'entends, mais je n'écoute plus ce qui concerne le ciné. Je suis tellement déconnecté. C'est pas grave. Non, mais moi je retiens non, pas. Non, mais dans les films d'action qu'il y a eu, et on peut citer par exemple Batman qui vient de sortir avec Robert Pattinson. Ce qui est génial, c'est que toi par exemple, Daniel, tu en as entendu parler mardi soir devant la télé. Vu qu'il y a une chaîne qu'on regarde pour le catch, où justement Toonami fait la pub pour Batman. Ouais, mais comme je retiens pas, moi quand je regarde quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, vous auriez pu me citer Uncharted aussi, Spider-Man, ou voilà. Il y en a toujours des films d'action. Ouais, non, ils peuvent dire n'importe quoi sur le ciné. Non mais, ça fait combien de temps qu'on peut plus, avec un masque, trois casques et je ne sais quoi. Tu peux pas parler, il faut 2 mètres de distance avec l'autre. Mais après, tu aurais pu me servir ça. J'ai pas dit spécialement au cinéma. Hein. J'ai dit des films sortis en 2022. Ouais. Donc, ça aurait pu être sur Netflix ou quoi que ce soit. Non, mais moi, en fait, quand il y a un film ou quoi que ce soit, que c'est le côté distraction, je fais exprès de me déconnecter un peu pour rester dans la distraction et me dire c'est un moment de plaisir. Ouais, et après, tu zappes et tu tombes dessus. Voilà, quoi, c'est ça. Je comprends. Donc, c'est fait, je Alors, moi, je suis quelques actualités du style, par exemple, The Batman. Je trouve ça cool de suivre ça. Ouais. Ça correspond à ce que je regarde en règle générale sur les super-héros et tout ça. Bon, après, à force de voir, ou des fois, il y a des choses. Bah oui. Marque, donc on peut pas passer à côté de tout. Quoi, il y a une guerre en Russie. Je savais pas. Si ça ne pouvait être qu'un film, un mauvais film. Ouais. Là, c'est une question où il faut répondre par oui ou par non. D'accord. C'est plutôt simple. Bah non. Il paraît. Non. Ouais, est-ce que l'escalade fait partie de la liste des sports extrêmes? Oui. Faut répondre sur son ardoise et fermer sa gueule. Mais j'étais dans l'action. Oui, c'est vrai, t'étais un peu trop dans l'action. Oui, un peu trop même. Alors, d'après vous, est-ce que l'escalade, sport extrême ou pas sport extrême? Ça dépend. Ça dépend où ça se passe. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais je suis très perplexe parce que j'ai rien compris ce qu'il écrit sur son adresse. Mais j'ai écrit oui. C'est un oui, ça? Mais, je réécris. Putain, on aurait dit un oui de to be, mais genre, tu comprends pas ce qu'il écrit. D'après Daniel, c'est un sport extrême. Ça te va, là? Ça dépend. J'ai dit qu'il y avait 2 propositions, mais il est capable de m'en sortir une 3e. C'est du Thierry. Il m'a écrit ça dépend. Ça dépend de quoi, Thierry? De la hauteur de la falaise. Oui, c'est-à-dire que tu as l'escalade qui se fait dans la nature sur des vrais rochers, puis tu as l'escalade en salle. Ah, ça fait mal si tu tombes aussi en salle. Non, t'as fait ça et puis t'as un rappel. Ouais, mais même le coussin, ça casse les jambes souvent. Ah, tu t'es pété les jambes, t'as essayé? Bah, quand tu sautes de tout en haut, oui. Oh. Alors pas moi, mais ça c'est déjà vu. Et oui pour Kevin aussi. Oui. Alors oui, effectivement, la liste n'est pas si longue que ça. Hein. Il doit avoir une vingtaine ou une trentaine de sports. Ouais. T'as le base jump, tu vois. J'en ai parlé, j'ai fait des petites références tout à l'heure à ça. C'est une histoire de parachute, ça. Oui. Ouais. Tu sautes d'un point le moins élevé possible, je crois. Si je confonds pas avec un autre sport. D'un point fixe. Voilà, genre par exemple du haut d'un building de 200 mètres. Voilà, j'exagère, mais voilà. Le troisième étage, t'as un parachute, de la tour Eiffel, comme ça tu donc t'as pas intérêt à te louper en fait en ouvrant ton parachute, ni trop près de la tour, ni trop tard parce que sinon. Non, mais enfin, je vais te dire une bêtise. Si sinon, vous sautez du troisième étage de la tour Eiffel, vous allez vous viander sur le premier. Hein. Oui, le deuxième ou le premier. C'est pas un parachute qu'il faut, c'est un deltaplane. C'est pas la même chose. Le deltaplane fait partie des sports extrêmes. J'ai pas compris le. Il y a des sports moto aussi, les acrobaties moto. J'ai vu bike dedans parce que c'est en anglais malheureusement, donc il y a eu plein. Malheureusement, j'aime bien le malheureusement. Des fois, il n'y a pas de sport. Moi, ce que je voudrais voir, c'est, vous savez, quand on lance un boomerang, vous voyez comment ça va, avec quelqu'un dessus. il te revient dans la gueule. C'est effectivement pourquoi extrême. Il revient au point de départ. Pourquoi pas? Tout ça pour dire l'escalade, oui, le c'est un sport. Boomerang jump. Donc du coup Thierry, ça dépend. Moi ce soir je m'en fous de gagner. Ça dépend, c'était plus oui ou plus non. Je suis là pour me marrer. Plus oui ou plus non. Non mais je me disais ça, j'ai qu'une question. Attends, je donne une occasion de gagner un peu. Non, je veux pas tricher parce que je me disais, à mon avis, il y a un piège parce que si c'est fait en extérieur, oui, c'est de l'extrême. Si c'est dans une salle, non, c'est pas extrême. Si c'est escalader une chaise de table, effectivement. Oui, c'est moins extrême, voilà, ça va. C'est... Non, mais parce qu'il y a des parcours dans des salles, quoi. Alors ça s'appelle du parcours pour le coup. C'est aussi un sport indépendant et il fait aussi partie des sports extrêmes pour le coup. Allez vous faire foutre. Ça, c'est un sport extrême. Ça dépend qui te le dit, en effet. Là, on va partir sur la mythologie grecque. Ouais. Oui, c'est ça. Dans les jeux vidéo, principalement. Avec de la sauce blanche. En fait, il y a deux moyens de répondre à cette question. Soit vous connaissez le jeu vidéo, soit vous connaissez la mythologie grecque. Soit je vous recommande que ça dépend. Peut-être. Quel est le seul point faible du dieu Baldur? Alors, Baldur. Je précise, dans God of War 4. Ça lui fait mal aux couilles. Mais c'est aussi un vrai point faible dans la mythologie. Le gars est réputé immortel. Il est réputé très beau, immortel. Personne peut le tuer. Et d'ailleurs, les dieux, pour la petite histoire, hein, les dieux se sont amusés à essayer de le tuer que, pour s'amuser. voilà. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi parce qu'il est immortel. Impossible à tuer. Et c'est Loki qui va réussir à trouver comment le tuer. Loki, vous connaissez sans doute, hein, le fils de Thor. Le Loki, fils d'Odin. Le frère. Loki, plutôt. C'est Loki. Oui, c'est pas l'Odin non plus. Non. Il va réussir à le tuer justement avec un point faible qui est, je trouve, totalement ridicule. Mais c'est que mon point de vue. On va voir. D'ailleurs, dans le jeu aussi, hein, il le tue avec une flèche hein, de base. Mais une flèche avec quelque chose dessus, enduit ou accroché dessus, ça dépend. Déjà, j'ai pas joué au jeu, donc je peux pas savoir alors, exactement. Je pense que je vais me tromper de personnage parce que je ne connais pas, mais je me rappelle dans la mythologie qu'il y avait, un personnage qui avait un endroit de son corps qui était. Sa nuque ? Ouais. Alors non, c'est pas un endroit de son corps. C'est un point faible. Okay. Pas, donc c'est pas le personnage qu'on a trempé de je sais pas trop quoi par le c'est pied. Achille. Et non. Voilà. C'était c'est Achille. Achille. Voilà, Achille. C'est ça, hein. Qui a effectivement un point faible au donc, talon. Parce allez que, vous faire voilà. Foutre fois deux. Je ressors mon et clap. Et Daniel, c'était quoi? Ben moi j'ai hésité, alors comme t'as dit qu'il y avait peut-être plusieurs propositions, j'en ai fait plusieurs. Vas-y, bah dis-les. Alors j'ai pensé à son chat, on emprisonne son chat. Pas mal, mais c'est pas ça. Sa femme? Non. Non. Bah d'ailleurs, emprisonné, ça va pas te tuer. Ah, je me suis dit, peut-être qu'il est amateur de. Qu'il aime pas les pains au chocolat, on a planté la flèche dans un pain au chocolat, on y a tiré dessus. Je vais pas dire que t'es pas loin, mais t'es pas loin. On lui a foutu un pain, et puis voilà. C'est pas du pain, mais c'est du gui. Ah. Le gars, enfin il est pas allergique, mais le gui, donc une flèche avec du gui, ça ah le ouais tue. Ah bah c'est toxique, oui. Oui, enfin non, ça dépend. Une feuille de gui, ça va pas te tuer, quoi. Je crois que l'espèce de sève là qui sort des fruits. Les sèves et même les baies sont toxiques. Mais de toute façon, mais le. Mais pas mortel déjà. Et puis... le gui, c'est un parasite qui empoisonne les arbres sur lesquels il pousse. Il est allergique au gui. Un dieu déjà allergique ou qui se fait tuer par un buisson. Putain, faut... J'avoue que c'est de la loose quand même. C'est nul. Là... Le gars, il est réputé invincible. Et Loki, il va découvrir son point faible. Et bah, du coup, il va dire hey, tiens, copain, un autre dieu, je sais plus il comment il s'appelle. Il l'a embrassé sous le gui. Non, il a fait une lance avec du gui et il dit tiens vas-y lance ça dessus on va voir. Je pouf, il a transpercé, il l'a tué. Enfin du coup ils étaient tristes les autres dieux, bah Odin notamment, il a envoyé un de ses gosses, je sais plus lequel, hein, j'ai oublié, mais l'histoire était sympa. Il a envoyé un de ses gosses en enfer dire oh, bah tu vas le récupérer quand même hein, parce que merde. Je peux faire une petite remarque? Oui. La semaine dernière j'ai fait 3 + 3 + 3 + 1 = 7. Toi, ouais, tu as mais fait... au début, tu nous as parlé de mythologie grecque alors que tu nous parles de Loki, de. Non, nordique, pardon. Oui, c'est nordique. Ah, nordique. Tu peux pas. Nordique. Tu nous as fait pareil. Plutôt merdique, moi, je dis. Ah, c'est bizarre, on pouvait pas trouver. Alors, Daniel mais non, mais et Thierry, je sais pas de ce que vous en pensez, mais je trouve que ça mérite un point pour nous trois, là, quand non, même, non, sur non, cette non, erreur. Non, parce que là, franchement. Non, mais j'en veux même pas, c'est de l'argent sale, là. Non, puis même, c'est ma faute parce que God of War, ça commence avec la mythologie grecque-romaine. Là, ça dévie sur la mythologie nordique. Ils vont faire tous les dieux comme ça. On qui va aller vers le, fait. Vers le saumon là. Ouais c'est clair. Donc, c'est pour ça je veux pas de points, ça lui donnerait de la crédibilité. Je vous mets tous pas de points, comme ça on est tous. Ah bah c'est bon, ça tombe bien. Vous avez pas ça tombe bien, il y avait personne. Mais bon, pour finir cette histoire, du coup, Odin il a je envoyé un de ses Jolan. Fils. Il a envoyé un de ses fils à aller le chercher l'âme merde de Baldur en enfer, qui était par un autre, une autre de ses filles ou fils qui dirigeait l'enfer, hein. Un peu comme Hadès au final. Oui. Elle a dit ok, l'enfer. Ok. Mais si tout le monde pleure sur son cadavre, parce que je veux voir que tout le monde l'aimait, parce qu'il était, il avait la réputation d'être aimé de tout le monde. Ah ouais. Ok, bon, pas de problème, on va faire ça. Du coup, tous les dieux pleurent, sauf un. C'était Loki qui était déguisé en autre dieu, qui a fait la pute. Hein, clairement. Un gros coup de pute. Bah, non, je pleure pas, tu reviendras. Du Loki. Voilà. Donc il est parvenu, il est mort comme une merde. Lance de Guy. Maintenant, je vais vous demander de super citer... le quiz. Oui. Ouais, au moins, vous n'êtes pas mort d'une manche de gui. Non, ça c'est sûr. Je vais vous demander de citer une phrase célèbre, une seule. Hein, de toute façon, si vous m'en donnez une autre, j'en ai rien à foutre. La phrase, je dirais même célèbre, de Terminator, le 1, du coup. Il y a une phrase culte, une réplique culte, dit par Arnold Schwarzenegger. J'ai pas envie de dire Schwarzenegger, ça m'énerve. Schwarzy, il dit une réplique culte du film. Évidemment, c'est aller en anglais. Donc je la vois en anglais. Oh putain. Allez Kevin, tu retournes. Non non, là c'est dégueulasse. J'avais dit qu'il y avait de l'anglais. Ouais, mais je sais comment on le dit, mais je sais pas comment on l'écrit. Ouais, fais pas de faute. C'est tout ce que je peux te dire. Moi je retiens qu'un truc de qui. Sadique. Sarah Connor. Bah, c'est culte, mais c'est pas celle-là. Non mais il fait exprès, il veut pas que je gagne, hein. Il veut c'est pas que je perde non plus. I'll be back, quoi. C'est. Oui, bah c'est en fait, c'est elle. Ça doit être ça, mais je vais elle come back, mais ça doit être I'll be back. J'en reviendrai, enfin. Oui, bah oui, mais c'est facile. Mais c'est ça, c'est. Par contre, oui, Kevin, t'es le plus proche avec I'll be back, mais c'est juste qu'il y a deux L apostrophe, c'est oui, une contraction. C'est Will, c'est mais ça, il savait pas l'écrire pour le. Mais oui, c'est pour ça, j'étais en. Il sait pas I come back. Lui, contre. Il a droit à des excuses, mais nous, on a pas le droit. Alors. De penser à la porte. Mais c'est parce qu'il sait pas écrire l'anglais. Oui. Et je l'ai dit en plus la phrase, ouais. C'est ça le pire. Thierry, c'est de l'écrire, mais c'est juste pas le bon mot. Mais je te l'accorde. Oui, mais c'est les. C'est, enfin, c'est les. Oh. Mais moi, je veux pas avoir raison. Je non, dis mais je juste te l'accorde que... quand même. T'as zéro point, de toute façon. J'avais dit qu'il n'y avait que pas de Jolan ce soir. Comeback ou be back, c'est l'équivalent. Et je veux pas de Jolan ce soir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une Jolan, c'est zéro point sur le voilà. Quiz, évidemment. Et un écran éclaté. Oui, oui. Oui, parce alors... que, donc, content d'avoir son nom de citer une fois dans l'émission avec le quiz. Une fois chaque monsieur, jour. En fait. Monsieur. Il a fallu qu'il se fasse remarquer. Voilà. Il est bien dans la V2. Hein. Oui, c'est ça. La dernière question, ça va être finir ma phrase. Oh putain. Donc oui, c'est une phrase avec un trou, hein, évidemment, à la fin. La une plus courte sortie. Réponse, c'est une citation. Oh. La plus courte réponse est... Et vous écrivez sur votre ardoise, je veux pas vous entendre. Un peu cher. Hein. Pourquoi il y avait un accent du sud, je sais pas. Hein, mais donc je vous la répète si vous voulez. La plus courte réponse est... Je sais pas, moi... Ah, Daniel. Sacré Daniel. Bah, je veux que ça, hein. C'est techniquement... Techniquement, c'est ça. Eh, c'est pas faux. Mais c'est pas ça, la citation. Non, et puis surtout, c'est en rapport avec le thème de ce soir. Bon, ça rien, moi. Mais qu'est-ce que... La plus courte réponse, c'est l'intelligence. Pour que... J'en alors, sais rien. Si c'est en rapport avec le thème de ce soir, bon, même, je le mets en deux, mais t'es pas obligé de me compter le point. Ça dépend ce qu'aura écrit Thierry, du coup. Parce que sinon, ça vous fera égalité. La fin, c'est ça? Oui. Oh bon, bah, je vais le compter. oui, l'action. En fait, la plus courte réponse est l'action. C'est une citation de je ne sais plus qui, j'en ai rien à foutre. Mais... Bah alors, le je ne sais plus qui, désolé, on citera pas ton nom. Ouais. Mais oui, techniquement, effectivement, au lieu de... Enfin, je pense qu'il faut référence à ça, au lieu de perdre du temps à répondre ou à chercher tout ça, vas-y, agis. Ouais, alors que moi j'avais été très philosophe, hein. La plus courte réponse, la première que j'avais donnée, c'est le silence. C'est vrai, mm-hmm. Je sais pas si c'est philosophe ou très terre à terre. Ouais, c'est selon. Oui, mais ouais. J'ai envie de me faire mousser là. Alors, mais après, on peut considérer que le silence n'est pas vraiment une réponse. C'est ça. Bah, c'est on un... peut, et puis, on et puis peut c'est pas. Peut-être un temps long, justement. Surtout oui. Quand t'es muet, hein. Oui, ça peut être très long le silence. Quand t'es muet, ouais. Tu peux répondre avec tes mains. Ah, ouais. Surtout si c'est pas très radiofonique. Par exemple, avec tes mains si t'es con comme tes pieds. Ça donne quoi les scores alors, Teddy? Oh oui, pardon. Je bon, ça peut être pas mal quand même de savoir nos scores. On s'en fout complètement d'ailleurs. Alors, attends, j'ai fait un trait en trop sur Daniel. Non, c'est que quand j'ai fait mon 2, en fait, j'ai fait une barre au milieu. Il a tiré un trait sur Daniel. Oh le génie. Ce talent. Du coup, Thierry, tu n'as pas fait une Jolan, mais tu as un point. Félicitations. Daniel, tu as 2 points. Non. Kevin, tu as 0 points. Parce que je te dis ce qu'il est fini. Merci. Non. Ça, je m'en doutais. Tu as 3 points. Wow. Tu es dans l'action, Kevin. Wow. Ah ouais. Ça sent. Tu es bon au quiz de merde. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois. C'est vrai qu'il faut un sacré niveau. Bon, c'est quiz de merde. Ça, ouais. Un après, niveau de merde attitude. La semaine prochaine, pour faire ton quiz, ça va être un peu plus dur, non, vu le sujet. C'est quoi le sujet? C'est radio. C'est le comble quand même. Alors non, non, ça va pas être si dur que ça. Ça va même être très technique pour vous. Ah bah si, ça va être dur. je peux suggérer par exemple une question pour une fois. Vas-y. Peut-être, mais si t'as pas la réponse. Ah si, non mais si. On a tous la réponse, c'est ça? Ah ouais. Qui sont les animateurs de PK Avenger? Ah, je m'attendais à une autre question. Attends, je croyais que t'allais dire non, quelles sont égoïste. Les émissions d'Indestar. Ouais, oui, non, mais je suis égoïste, ça aurait pu aussi. Excusez-moi. Ouais. Hein. Parce qui que... sont les meilleurs animateurs de PKM. C'est vrai que ça pourrait aussi quand même. Non, non. Pourquoi pas ? Non, parce qu'on est tous égoïstes là. Non, par contre, bah, on va répondre à la question : qu'est-ce qu'il y a comme émission sur Indestar ? Donc, Daniel, donne une réponse. Je peux être égoïste ? Oui. Oui, une fois par mois, le vendredi soir, le troisième vendredi soir de chaque mois, il y a une émission spéciale. Il y en aura une donc vendredi prochain, le 18, qui sera consacrée à la maison, le jardin. Mais vraiment, alors pas le truc classique, ça peut être comment un château, sa maison, ça peut être la tente sur l'île déserte. La tiny house. Ouais, ça peut être la tiny house. Ça peut être le jardin que vous aimez. J'en au fond ai des vu. Bois, j'en voilà. ai vu à Saint-Ouen-les-Vignes. Il y a une maison qui a été retapée. Et juste à côté, j'avais vu défricher un champ. Je me suis dit, tiens, ouais. c'est en vente. Et ils ont mis deux tiny houses qui viennent d'arriver là. Ah ouais mais ah très, ouais. très, très, très jolies. Elles sont toutes neuves. Saint-Ouen, une ville d'avenir. Enfin, une ville, un village d'avenir. C'est ouais, un tout petit village. C'est à 10 km d'ici. Je vais faire un spoil aussi sur. Je vais parler des gens qui vivent, qu'on appelle hors réseau, comment ils vivent. D'accord. Donc, ils veulent vivre le plus près possible de la nature. Ils veulent vivre okay. en zone blanche. Voilà. Dans la forêt, pieds nus, en voilà. chantant du zaz. Non, ça, c'est ceux qui vivent en Alaska, en zone blanche. Soit. Thierry, une émission sur une L'émission dont nous sommes les héros. Ah, on est vraiment très égoïste, quoi. Ouais, c'est vrai que. Mais oui, non, mais parce oui, que je non, pensais oui. au livre dont on est les héros, on évolue. On... Alors, si vous voulez faire ça, les pages machin, mais non, l'émission dont nous sommes les héros, c'est les Peck Avengers. Évidemment, jeudi soir. Jeudi soir de 21h à 23h, effectivement, on va nous retrouver. Kevin, du coup, tu peux plus être égoïste. C'est ils moche. Ont tous épuisé, là. Ouais, mais comme ça, c'est... ça me fait passer pour quelqu'un qui n'y est pas, c'est pas mal. En même temps, tu peux faire ta promo sur ce que tu fais aussi, hein, je veux dire, c'est une façon aussi de te suivre. Hein. J'avoue que ça aurait pu. Ouais. Il aurait pu sortir Peck Artist aussi. Les émissions Peck Artist qu'on fait une fois oui, par mois, une fois où par mois, on oui, reçoit oui. un artiste. D'ailleurs, on va recevoir un artiste ce mois-ci. Oui. Ouais, je sais plus bah. qui. Mais on va, eh ben, on va faire de l'électro et d'autres choses, mais j'ai c'est retenu ça parce qu'on n'en avait pas encore fait. Mais il y a d'autres choses aussi. Bon. Donc Kevin, on va choisir autre chose. Possible, je crois. Oh, celle du lundi soir, starter. Ouais, ça parle de quoi ça ? Bah de voiture. Ouais, c'est vrai. Je suis dedans en plus. Moteur. Ouais. Moteur de 21h à quoi ? Moteur à quelle heure ? À 22h, c'est 22h, ça ? 22h, ouais. Moteur action. Avec Théo aussi. J'ai encore eu plein de moustiques. On est deux, mais on s'accroche. Sur le pare-brise. Ouais. On s'accroche le lundi. Et toi, t'es dit alors une émission ? Et bah, du coup, je vais vendre celle du mercredi, évidemment, avec du solide. T'as plus le choix. Bien ouais. sûr que je vais. Par dépit. Non. Par obligation. Et c'est une émission assez fun au final à écouter. Vous pouvez bien vous amuser en les écoutant. Ils sont le mercredi soir de 21h à 23h. Ils ont des délires. C'est un mais peu plus féminin que Peck Avenger. Ouais. C'est un peu plus féminin oui, que Peck Avenger. Moment, oui. Ils ont plus de fils, j'avoue. Ouais. C'est ouais. vrai. C'est nous, on devrait bientôt revenir d'ailleurs. On devrait donc. Récupérer une certaine Linda ah ouais. la semaine alors, prochaine. Linda, on t'embrasse si tu nous écoutes. Hein, bien sûr que tu nous écoutes, Linda. Bien oh. sûr que tu reviens voilà. la semaine prochaine. Attention, il y a Teddy qui met des menaces. Nous allons peut-être revoir Océane aussi. Peut-être. On sera peut-être en égalité féminine. Océane, elle sort beaucoup. En boîte, elle a plus le temps. C'est vrai. En boîte de sardines. Fais tourner les serviettes. Il s'occupe de sa mise en boîte. Remarque, les sardines dans l'océan, c'est. C'est bon ça. L'océanographie, c'est ouais. toute une science. Ouais. Dans tous les cas, nous, on va se retrouver jeudi prochain, hein, ça oui. c'est sûr. Pour le thème on va radio, finir ça là-dessus. Ouais. Justement, ouais. à la radio, sur la radio. C'est ouais. ça, c'est là l'ironie du sort quand même. The radio. On va en parler sous toutes ses formes. Hein. Ouais, bah ouais. Enfin, pas radio bon. En fait. Non, continue à parler, on fait des cœurs avec Thierry. Ouais. Radio, oh, je peux les couper si tu veux. On the radio. Oh, honnêtement, je pense qu'on les entendra toujours. On the radio. Donc, en attendant, bah, on va vous laisser avec Mia Rose Tutto Bene. Tutto Bene. Ouais. Eh, ça t'est bien dit pour une fois. Mais non, l'accent. Tout va bien tutto sur bene. Une star. Tutto Bene. Ouais. On va vous dire au revoir, puis bah la semaine prochaine, de hein, toute façon. Salut, eh ben, des salut. Bisous tout le monde. Salut. Des bonnes ondes. Salut.